23h13, Tal débarque dans quelques minutes dans le Night Show. Mais avant ça, on voulait parler des stars qui se sont lancées dans la chanson ou dans le rap et qui n'auraient peut-être pas dû. Alors, il y en a certains, je vous le dis, ça fait débat au sein de l'équipe. Ah oui. On va vous les dire dans un instant, mais moi, est-ce que je peux déjà vous faire la mienne? Oh, bah, s'il te plaît, Marion. Alors, pour les anciens, je sais pas si vous allez vous en rappeler, quoique elle a fait une reparticipation à Secret Story l'année dernière, donc c'est possible, c'est Vanessa de Secret Story. Ouais. Je vous jure, j'ai perdu l'audition à l'époque tellement c'était naze. Écoutez ça, ça s'appelait Un truc de ouf. C'est horrible. Non mais et surtout le vrai truc de ouf, c'est que quelqu'un ait produit cette merde, non? On est d'accord. Non mais c'est violent quand même. Et c'était mauvais, je sentais faux, pas et de rythme. Oh. Et je crois que j'avais jamais entendu de ma vie ce dos. Hein. À l'époque, ça avait fait un buzz. Ah mais j'avais jamais entendu de ma vie ce truc. Hein. Anso, toi, c'est qui pour toi la star qui n'aurait jamais dû se lancer dans la chanson? Bon, moi c'est un peu vieux. Il s'appelle Philippe Risoli. À l'époque, c'était un présentateur télé qui était assez connu. Ouais. Et qui avait sorti les patatas, les bananas. Ah, oh, c'était horrible. Ouais. Patatos. En camping et tout, ça cartonne. Ouais. Enfin, ça cartonnait à l'époque. Ah, peut-être ça marche encore. Tu crois? Ouais. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait du camping, mais moi, quand j'y allais, ça ambiançait. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup que Philippe Risoli vienne faire un showcase dans le Night Show. Amir, ouais. Est-ce que t'en as un, toi? Ouais, Tony Parker, il aurait jamais dû. Ah non, moi, j'adorais. Écoute, c'est ça. C'est du rap. Ah, je trouve pas ça si nul, moi. Il y avait un gamin qui criait Tony. J'adorais, moi. Bon, dites-nous ce que vous en pensez, là, Tony Parker, s'il aurait dû ou s'il aurait pas dû. Et toutes les autres stars, appelez-nous 01 42 48 5000. On en parle ensemble, on écoute de la musique ensemble. Et Tal débarque dans le Night Show dans un instant. Oh, j'en suis tout émoussée. Ça sent la bonne soirée. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Qu'est-ce que tu fous en Norvège? Alors, je fais une année d'études là-bas, donc oui, je valide mon bac plus. Moi, je rêve d'y aller en Norvège. J'ai fait l'Islande et là, j'aimerais bien aller. Il pourrait te chasser en te prenant pour un phoque. Hein. Tu m'as envoyé une facture de billets d'avion. Alors, c'est les billets d'avion qui me permettent de rentrer voir ma famille aux vacances de Toussaint. Et bah, tu sais quoi, je te paye tes billets d'avion pour revenir voir ta famille. Merci beaucoup, merci, vous êtes top. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre les maladies, les infections, les épidémies. Pour soutenir ce combat, pour soutenir leur rage de vaincre, avec Fun Radio, soyons tous mobilisés. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. 3620, service gratuit plus prix appel. Fun Radio présente I Love Techno Europe, samedi 10 décembre, au Parc des Expos de Montpellier. I Love Techno. Retrouvez sur scène Laurent Garnier, Masséoplex, Vitalik, Ben Clock, B2B, Marcel Detman et bien d'autres. Infos et réservations, point de vente habituel. ilovetechnoeurope.com et funradio.fr. I Love Techno. I Love Techno Europe avec Fun Radio. Le son dance floor. Yeah. This is the Night Show. Avec Marion et Anso. 22h minuit sur Fun Radio. Oui, on est là et on parle des stars qui se sont lancées dans la chanson et qui n'auraient pas forcément dû. Ouais. Thibaut Alaréa, tu nous as pas dit la tienne. Alors moi c'est Greg Basso, sac sa pub. Ah oui, c'était Greg le millionnaire, ça. Ouais. Qui avait fait une télé-réalité qui avait cartonné. Après moi j'aime bien ce mec. Ouais, mais la chanson non. J'aime bien sa façon de parler. Ah non, ça marche pas. Mais il cartonne lui, hein. Lui, il est devenu businessman, il a ouvert des restos et tout dans le sud. Je crois que ça marche bien pour lui. Ouais, puis il a une tête de sympa. J'ai envie qu'il fasse partie des beurs. Bon, ok. Il a ouvert un truc à Ibiza aussi, je pense. Ah ouais? Ouais. Eh ben, il y avait un partout. Reportage sur lui, je l'avais vu. J'ai l'impression qu'il est sur le tour du monde du business. Dit-elle. Bon, appelez-nous, là, on fait de la radio ensemble. Quelle star n'aurait jamais dû se lancer dans la chanson? Eh ben, Sandrine, je vous fais deviner sa ville? Oui. Sud de la France. Marseille. Montpellier. Bienvenue. Marseille. Oh, dommage. Bonsoir, Sandrine. Oh, bienvenue. Salut à tous. Ça va, Sandrine? Ça va nickel, et vous, ça va bien? Ouais, ça se passe bien, Marseille, il fait beau, tout ça. Tranquille. Oh non, aujourd'hui, il a plu, mais ça va. Ah, et bah pas chez nous, voilà. Oh, zut. Pour une fois que c'est les sudistes qui prennent la pluie. Bon, ça ira pour cette fois. Alors moi, c'est aussi un animateur télé, je sais pas si vous, ça va vous parler, moi j'ai 35 ans, moi ça me parle un peu plus, c'est Jean-Pierre Foucault qui avait tenté un tube pour supporter les Bleus lors de la Coupe du Monde 78. Ah, mais ça s'appelait Allez les Bleus, allez, si je dis pas de bêtises. Ah là. Voilà. Mais c'est lui qui chante? Ouais, c'est ringue. C'est vrai que c'est un peu ringue, je te l'accorde. Grave. Mais surtout, on connaît pas du tout sa voix, en fait, à Jean-Pierre, là. Mais moi, je savais pas qu'il avait chanté. Bah écoute, tu viens de m'apprendre quelque chose. Merci Sandrine, merci beaucoup. Mais de tu rien. Nous as fait notre soirée. On merci Marseille. Ma Salut. Bisous. Bisous. On a Emilien aussi qui est du côté de La Rochelle. Bonsoir Emilien. Salut les filles. Ça va toi? Ça va super, ouais, la forme. Alors dis-nous, c'est qui pour toi? Bah moi, je suis aussi un présentateur télé. Bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a que des présentateurs télé qui font ça. C'est Christophe Ondelat. Ah ouais, évidemment, le présentateur de Faites entrer l'accusé. Ou pas. Aïe, aïe, aïe. Ou pas. Il avait fait un titre aussi sur Dr House. Ah oui. Ben c'était ça le plus connu. Hein. Ouais, mais ça me fait penser un peu à Elise Moon. Tu sais, il s'était lancé dans la chanson aussi. Et moi, j'ai les deux dans mon téléphone. J'aime beaucoup, moi. Emma d'Elise Moon. Ouais, j'aime bien son titre. D'accord. Bah écoute, voilà. Je ne connais pas trop, mais pourquoi pas. Emilien, on te le prend, effectivement. Il aurait pas dû. Effectivement. Ouais, il aurait pas dû, ouais. On t'embrasse. Bisous, Emilien. Bon, bisous. Ciao. Bisous. Moi, j'en ai quelques-uns à vous proposer. Vous allez me dire si, selon vous, ils auraient dû se lancer ou pas. Ouais. Soyez honnête, Samy Nasseri. Est-ce qu'il aurait dû se lancer? Attends, ouais, est-ce moi, qu'il l'a fait? Mais si, il a rappé si, ouais, en 2016, ça s'appelle Une seconde chance. Ah oui, c'est la vie m'a donné une autre chance. Nul. Alors avec vaillance. Ouais, bah, après, moi j'aime bien le son derrière, mais c'est vrai que son rap est pas terrible. Ah, il est comédien, le mec, c'est tout. Ça avait fait un bad buzz, le pauvre. Ouais. Alors, et je sais pas si vous le savez, mais Nikos Aliagas a chanté. Mais il chante toujours, il a sorti un album il y a quelques années. Mais il me semble qu'il chante pas mal. Bah écoute, Anso, tu vas me dire s'il aurait dû ou pas, selon toi. Oh non, c'est le premier Doug. Ah, mais c'est en grec, non? Ah, c'est horrible. Et alors? Eh, je vous assure, il a sorti un album, je crois, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, et ça avait marché. Ouais, non, ça s'appelait Stet. Eh, toutes les mamans. Mais c'est trop crooner, trop premier Doug. Après, j'adore Nikos, mais en animateur, quoi. Il a raison, c'est bien. Kev Adams, les amis, a chanté Aladdin en 2015. Génial. Ah, oui. A-L-A-D-I-N, le vizir, tu sens qu'il a une petite haine. Quand j'arrive à. Il sait tout faire, ce gars. Non, mais en plus, c'est de la vanne en plus. Ouais, c'était marrant. J'aime trop. Moi aussi, j'adore. Bonne idée. J'aime beaucoup moins, c'est Clara Morgan qui a chanté en 2014 Le Diable au corps, écoutez. Bah, moi je crains pas, hein. Arrête. Bah la non. Prod et tout, c'est dégueulasse. Bah c'est un peu poète-poète, mais franchement, moi j'y crains pas, hein. Ça a pas marché. Hein. Alors qu'est-ce que tu vas dire du prochain Julien Lepers en 1979 de retour de vacances, ça s'appelle. On a tous au cœur des soucis. Ah bah oui. Mais pourquoi il imite Claude François? Oh là là. Et vous savez que Julien Lepers écrit beaucoup de musique. Oui, ah bon oui, oui. Il avait écrit. Je sais plus. Soleil, non? Non, Coup de Soleil, n'importe quoi. Ah, il écrit pour des vrais artistes. Il écrit pour des vrais artistes. Il y a une chanson ultra connue qui a fait un. C'était un tube dans les années 80. On parle du gars qui présentait Question pour un champion. Oui, oui, oui. Il a chanté un tube ultra connu et. Enfin, pas chanté, il l'a écrit. Ah, par contre, ça, c'est pas possible, hein, ce qu'on non, est en train d'écouter. C'est pas possible. Vincent Lagaffe, Lavabo en 1990. Oh là là. Après. Je pense que Vincent Lagaffe, c'était de la vanne au début. Et en fait, ça fait vraiment le buzz, hein. Ça a marché. Hein. Parce qu'il est beau le lavabo, il est laid le bidet. Il est pas con quand même, tu vois. C'est vrai qu'un lavabo, c'est quand même plutôt beau. Puis un bidet, c'est laid, quoi. Et le pauvre, il a essayé de faire un film aussi. Ça a été un flop total. Oh, ouais. Il faut rester à l'animation. Non, mais Jean-Luc Reichmann aussi, il avait fait. Il avait fait du. C'était pas du rap. Ah bon? C'était du reggae, voilà. Ah, mais c'était pour une vanne, non? Non, non, il avait fait un titre, c'était d'accord. Du reggae. C'est-à-dire que Jean-Luc Reichmann et reggae dans la même phrase, c'est pas possible. Hein. Ah bah, on va essayer de le retrouver. Je sais pas si Thibaut à l'arrière peut chercher, mais. Ouais. Mais je suis en train de le chercher sur YouTube, mec, ça n'existe pas. Hein. Bah ouais, bah oui. T'es sûr de ton info? Oh là là, mais arrêtez de goûter. Si, si, il est. C'est comme la chèvre, vous croyez pas que j'en ai bouffé. Oui, parce que dans une autre émission, Amir nous a certifié avoir mangé de la chèvre, mais comme par hasard, il ne sait plus quel goût ça a. Bah, c'est ça. Bah, si, ça a le goût de la viande. D'accord, merci Amir. C'est ça? Ouais. C'est pas ça. Ah non, rien à voir. Jonathan Richman, les gars. Non. D'accord, merci Thibault Larrière. On a Vivien qui est avec nous de hier. Bonsoir Vivien. Salut les filles, salut tout le monde. Ça va toi? Ça va, nickel. Petite info, c'est pour le plaisir d'Herbert Léonard qui l'a écrit. Ah, c'est ça, merci Vivien. Ah ouais. Pour le plaisir. Ouais. Ouais. Ah ouais, les plus jeunes, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un tube de l'époque, ça. Hein. Ah, bah écoutez, cherchez sur YouTube Herbert Léonard. Je crois qu'il a une chaîne YouTube, d'ailleurs. Bon, tu penses à qui, toi? Moi, c'est Cyril Hanouna. Il a fait une reprise de Gangnam Style il y a quelques années sur La Danse de l'Épaule. Et plus récemment, Bogda Bogdanov. J'adore. Ah ouais. Ouais. Bogda Bogdanov. Attends, Bogdanov, moi je trouve que c'était drôle. Oui. Et en plus, il avait sorti un super clip. Et c'est de la parodie, tu vois. Il s'est pas pris au premier degré comme Ondelat ou Nikos. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, c'est marrant vite fait, mais bon, quand même, c'est pas un artiste de la chanson qui reste à l'animation, quoi. Tu vois. Oui. C'est... Après, Vivien, c'est le genre de morceau que t'écoutes avec tes potes pour te marrer, mais tu l'écoutes pas en faisant ton footing 800 fois. Non, non, c'est clair. Ouais. C'est ça. Et ben, le message est passé. Merci Vivien de m'avoir trouvé pour le plaisir. De rien, de rien. Je t'aime pour ça. On t'embrasse. Merci. Bisous à toi, Vivien. Bisous. Est-ce qu'on demande à Pépère si il a un titre lui que je sais pas, un artiste qui n'aurait jamais dû se lancer dans la chanson. Bah Pépère lui, il aime pas trop les Kids United, hein, il aurait jamais dû chanter ces gosses. Ah non, mais ça Pépère, c'est des enfants, on les aime bien. Bah oui, mais il casse les couilles à écrire sur les murs de Pépère, il va écrire sur l'armure avec son sperme, il va voir, ils seront plus contents. Oh ça va pas. On écrit sur les murs de Pépère. On en a marre, OK, hashtag violence. Merci Pépère. Bon, restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio, j'ai envie de vous dire, ça y est, elle sera là, elle nous rejoint. Tal est notre invitée dans le Night Show ce soir. Si vous voulez lui poser vos questions, 01 42 48 5000. Et ça marche aussi avec le hashtag, le Night Show. On revient avec Tal et toute l'équipe juste après Boosty sur Fun. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes, à en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Sommeil, veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Et l'invité de Marion et Anso dans le Night Show sur Fun Radio. Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Et sans déconner, on est hyper content de la recevoir. Ça fait longtemps qu'on voulait qu'elle vienne dans le Night Show. Tal est avec nous ce soir. Bonsoir Tal. Quel accueil. Comment vas-tu? Ça fait chaud au cœur. Écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être là ce soir. Ah ça bah va. Nous aussi. Hein. Voilà. La rentrée, l'été, les vacances, tout ça, c'était cool. Ouais, c'était cool. Là, je reprends le marathon de promo et tout ça, donc ça fait plaisir. T'es partie où cet été? On va tout savoir. Je suis partie à Los Angeles. Ouais, la chance. Comme Anso. Ah ouais? On s'est pas vu. Bah non. Oh merde, t'étais où? Bah j'étais à LA, alors je ne sais plus où c'était. C'était West Hollywood, je crois. Ah bah moi aussi. Où ça? Quelle rue? Alors rue, alors là, tu me rappelles pas, j'étais chez un pote, je me rappelle plus quoi. C'est énorme. Et alors moi j'étais au Croisic. Est-ce que j'aurais pu t'y croiser Tal éventuellement? Do you know the Croisic? Croisic, west of the France, you know. Bon, c'est cool, du coup t'as kiffé. Ah ouais, ouais, carrément, ouais. Il fallait bien avant de reprendre le... Et ouais, parce qu'elle revient en force, Tal. On adore le nouveau, c'est super. Le temps qu'il faut. Deuxième extrait du coup du prochain album qui sortira le 28 octobre. Oui. C'est bientôt. Trois semaines, là. Le premier extrait, bah c'était lui, hein. Et puisque Tal, eh ben c'est une machine à tube, on l'a un peu forcé ce soir à faire ce titre qu'on adore. Je sais ce que je fais. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. Ce sera tout à l'heure. Ne manquez pas les lives de Tal. On a de la surprise pour elle. On a de la question continuée. La 01 42 48 5000. Ah, je suis à fond. On a du monde pour toi. Oui. Et on a Flavie. Flavie, déjà, elle est cool parce qu'elle vient de chez moi, de Nantes. Bonsoir, Flavie. Ça va, Flavie? Salut, Flavie. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. On se connaît, hein? Ah oui? Oui. Tu la reconnais direct, quoi. Bah, Flavie de Nantes, il n'y en a qu'une, hein. C'est talentueuse sur Twitter. Voilà, c'est ça. C'est @-talentueuse, talentueuse, tout ça, tout ça. Et alors, voilà. Juste, faut préciser quand même que Tal, ça doit être l'artiste la plus proche de ses fans, puisqu'il y avait du monde en bas qui attendait pour elle et qui nous avait pas prévenu. Et elle a demandé à les faire monter quand même. Donc, vous pourriez l'applaudir quand même, hein. Bah oui. Du coup, on a un public ce soir, voilà, juste pour toi. Il y a de l'œil qui pétille, hein. T'avais une question, ma belle? Oui, c'était, je voulais savoir le clip que tu as préféré tourner, c'est lequel? Attends, j'ai pas entendu le... Le clip. Le clip que tu as préféré tourner. Je dirais Are We Awake parce que j'ai toujours rêvé d'aller en Afrique sur tour en Namibie. Voilà. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, plus de 10 millions de vues sur ce clip déjà. Wow, wow, c'est wow. Ouf. Ouais. Ah, c'est carton. C'est incroyable. Truc de ouf. Voilà, Flavie. Ok, et je voulais te dire, Tal, j'espère que tu vas bien avec toute la promo parce que t'as l'air un peu fatiguée. Oh, du coup, j'espère que ça va. Écoute, ça, Flavie... va, ça va, j'ai pas une sale gueule sinon. Non, non, mais non. Non, franchement, elle est devant nous. Hein. Non, parce que je fais de l'anti-cerne et tout pour que ça passe, mais ça passe pas. Non, t'as une mine superbe, franchement. Non, t'inquiète. Non, non, ça va. Écoute, j'ai dormi que 4 heures cette nuit, mais franchement, ça va. Je suis au taquet, je suis très contente et c'est ouf ce qui se passe. Et voilà, j'espère que ça va durer. Et merci d'être aussi fidèle, parce que c'est grâce à vous aussi que je suis là aujourd'hui. Donc merci. Bah, c'est normal, merci à toi en tout cas pour tout ce que tu fais pour nous. Bah, c'est normal, c'est du partage, c'est l'amour. C'est mignon. Voilà, c'est ça. On t'embrasse, ma Flavie. Bisous, bisous, et je voulais te bisous. Dire aussi, oui. T'as des bisous de Noriana, Sandy, tout le monde, et je fais une dédie à Alex et Théo qui sont là ce soir. Ah, ok, mais tout le monde se connaît dans la Tal Family. Là. La team Tal, tout le monde se connaît. Excusez-moi, voilà. Est-ce qu'on serait pas dans un bain d'amour ce soir? Bisous, ma Flavie, à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt. Bisous, bisous. Bon. Tal, puisque le premier extrait de l'album s'appelle Are We Awake, à savoir Sommes-nous éveillés? C'est la bonne traduction, on est d'accord? Exactement. On a décidé, nous, dans le Night Show, de prendre tes paroles au pied de la lettre. On va vérifier si les gens sont éveillés. Et comme on est un petit peu sadique, on a choisi des personnes qui se lèvent tôt, à savoir l'équipe de Bruno dans la radio. Voilà, c'est ça. On a donc les numéros des animateurs. C'est pas sûr que ça décroche, hein, parce qu'en plus, c'est numéro privé, tout ça. Normalement, 22h32, ils sont censés dormir. Ouais. On va les appeler. Au pire, on laisse un message vocal. Voilà. Au pire, on laisse un message vocal. Alors, il y a Bruno, Christina, Elliot et Vaché. Vaché, franchement, il est excusé. Il est papa depuis aujourd'hui. Ah ouais. Sa femme a accouché toute la nuit. Voilà, félicitations à lui, il est excusé. Donc on commence par qui? Christina, Elliot ou Bruno? On va commencer par Elliot. Ouais. Elliot. Mais par contre, il faut... qu'est-ce qu'on fait? Alors elle chante Êtes-vous éveillé? Are we awake? Sommes-nous éveillés? Are we awake? Ok, on t'accompagne. Bon, on est tous d'accord sur les règles de ce jeu totalement improvisé. Alors, donc si ça décroche, on chante ça. Sommes-nous éveillés? Ok, ça marche. Okay. Are we awake? Je chante hyper bien, je vous défonce les meufs. Il va nous tuer, Elliot. Oui, il va pas décrocher aussi, hein. Ça se trouve, il enlève son vibreur. Allô? Sommes-nous éveillés? Are we awake? Vous êtes... Sommes-nous des tarés, ouais. Elion, c'est Marion et Anso, hein. Tu es en direct sur Fun Radio avec Tal. Très bien, ben bonjour, bonjour. Ça va? On t'a pas réveillé? Non, je suis sur mon canapé avec un plaid. Avec un petit chocolat chaud devant son petit film. Oui, j'ai un petit bonbon avec moi, voilà. Oh, bah, c'est trop mignon. Bon, bah, on voulait juste vérifier si t'étais bien réveillé. C'est le cas. Bravo, Elliot. Bah, profite bien, alors. Profite bien. Merci à toi d'être wake, Elliot. C'est tout. Vous m'avez fait chier pour ça. Bah, oui. Si tu veux, maintenant, on doit faire les autres. Hein. Ah d'accord, c'est ça. Bon bah écoutez, bah, ça fait plaisir. Bisous à tout le monde. Bisous. Alors. On t'embrasse. Allez, bisous. Bisous. Ciao, ciao. Alors on enchaîne avec qui, Christina ou Bruno? Christina. Mais allez, Christina, elle a un enfant et tout, elle va dormir, non? Oui, bon, enfin, tu sais, il y a des gens qui ont des enfants qui s'endorment à 2h du mat. La peau. Non mais Christina, je la connais. Elle est au lit genre à 21h30. Ah ouais? C'est une vieille personne. Sympa. Non mais je l'adore, en plus, c'est vraiment ma pote. On laisse un message, mais moi je propose que ce soit juste Tal qui chante parce que sinon elle a rien à comprendre. Comment elle s'appelle? Christina. Bonjour. Attends, parce que je coupe s'il y a le numéro quand même. Ah merde, ah oui. Bah, tu 46. Ouais. Vas-y, tu peux mettre, C'est vrai? Oui. Message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Christina. Christina, c'est Tal. Je voulais juste te chanter une chanson. Sommes-nous éveillés? I'm wake. Bon bah visiblement voilà. T'es pas awake. Alors qu'est-ce que tu fais? Voilà, on espère que tout va bien et que tu fais de beaux rêves. On t'embrasse petite femme, bisous. Bisous. Elle va halluciner. Bon ouais. Bah il reste Bruno hein. Ouais. Allez, j'espère qu'il va décrocher, ce serait bon ça. Ouais. Bruno il s'est un petit peu... Il se couche tard mais non. Ça dépend s'il y a de la nouvelle série ou pas tu vois. Ouais. Tu veux dire qu'il nous écoute pas? Oh si, parfois. Oula. Allô? Allô? Bruno? Allô? Il flippe ou quoi? Il sait pas qui c'est. Attends. Allô? Allô? Oui? Bruno? Sommes-nous éveillés? Are we awake? Bruno, ouais, qu'est-ce que c'est? Oui. Bruno, c'est Marion et Anso, t'es en direct sur Fun Radio. On est, oh merde! On est avec Tal, notre invité. Salut! Salut, Tal. Eh mais il dormait là, tu dormais Bruno? Le pauvre. Mais ouais, grave. Oh non, le pauvre. Pardon, excuse-nous. Ben pardon, excuse-nous, je vais à 3h30 tout à l'heure, je suis tout le bloc. Attends, t'as pas de réseau chez toi, y'a pas de réseau. Y'a pas de réseau, Bruche. Ouais, c'est pour ça que j'habite à la campagne, pour pas qu'on pousse à 40h30. Bon, du coup, Elliot était réveillé, on n'a pas eu Christina, et toi on t'a réveillé, c'est une belle performance. Ouais, bon, faites pas chier à chier, il est papa depuis 3h. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on va laisser tranquille le vachon. Bon Bruno, on te retrouve demain en direct à 6h. Voilà, on va faire tout ce qui est achat de réseau téléphonique pour c'est Bruno. Clair. Et on enverra la facture à lui-même. Et franchement, on l'a réveillé de ouf là. Hein. Bisous Bruno si tu nous entends. Il a dit oui. Bisous, réseau. Bisous. Ouais, c'est un truc de fou quoi. Il a dû flipper en plus au début, il répondait pas, il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce numéro privé? Mais c'est ça. C'est une blague et en fait c'est Tal, c'est pas bien Tal ce que t'as fait. Excusez-moi, est-ce que ce jeu n'était pas une fausse bonne idée finalement? Non, moi je trouve ça sympa. Ouais, j'adorais. Ça fait de la proximité avec les animateurs de l'antenne. Bon Tal, on a encore de la question. Oui, au standard il y a du monde. Juliette est à Planquette. Attends, excusez-moi, mais au standard Planquette, plan plus loin couette comme la couette pour dormir dans le lit. C'est pas possible, c'est en Bretagne. Bonsoir Juliette. Alors... Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Ça va Juliette? Et bonsoir Tal. Salut, ça va? Ça va très bien. Alors du coup j'ai une question, c'est est-ce que dans le troisième album, il y aura des chansons que tu n'avais pas gardées pour le deuxième? Ou elles te correspondent plus du tout? Pas du tout. Non, j'ai tout refait... From scratch, comme on dit, j'ai tout repris à zéro. J'ai recherché de nouveaux sons. J'ai voulu mélanger le son électronique et le son acoustique et ça représente tout l'album d'ailleurs. Et alors, est-ce qu'on peut savoir comment il va s'appeler cet album ou alors, c'est un album éponyme. En fait. Oh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de titre d'album. Le titre de cet album, ça reste Tal. Ouais. Simplement parce que c'est l'album dont je me suis le plus investie et j'ai l'impression que c'est mon premier album tellement j'ai été hyper impliquée dans la compo, dans tout. C'est celui qui te ressemble le plus quoi. Complètement. D'accord. Complètement. Bon, voilà. Et ben ça sortira le 28 octobre, on sera au rendez-vous. Bon Juliette, t'es comme une folle de le découvrir cet album, j'imagine. Ah mais j'ai trop hâte de la revoir sur scène. Ah, c'est cool. J'ai déjà acheté plein de places, même dans le sud, je vais descendre, donc j'ai vraiment hâte. Ouais, parce que Tal, elle sera en tournée dans toute la France à partir de février 2017, c'est ça? Et tu feras l'Olympia les 11 et 12 mars. C'est ça. Bien. C'est cool. Énorme. Tu Tu seras présente du coup, Bichette? Oui, ouais, je descends dans le sud et bah, je vais faire en Bretagne à Saint-Brieuc. Ok, top. Oui. Bah, merci en tout cas. De rien et merci encore pour tout, comme Flavie t'a dit. C'est top ce que tu fais pour nous. Oh, ils sont vraiment cool. Et est-ce que tu pourrais juste faire des bisous à Ophélie et Emma? Oui, bien sûr. Bisous c'est Ophélie. Possible. Bisous Emma, bisous Ophélie. Voilà. Voilà. On t'embrasse. Bisous Juliette. Bisous, bisous Tal. Ciao, ciao, à bientôt. Bon, Tal, ne bouge pas. De toute façon, nous te tenons en otage. Ouais. Tu veux bouger. On la séquestre. Si vous avez là, j'adore questions... là. J'ai ma couchette qui est là-bas. Si vous avez des questions, appelez-nous 01 42 48 5000, hashtag le Night Show. Et pour le son tout de suite, c'est le tout nouveau David Guetta, la reprise Would I Lie to You, qui est chamé, découvert en plus ici sur Fun Radio. C'est maintenant, bougez pas. Ce soir, Tal s'installe dans le Night Show. Sur Fun Radio. Oui, elle est avec nous, on est en direct, il est 22h40. Dans un instant, elle va chanter. Elle va en faire plusieurs, elle va faire celui-là, le dernier, le temps qu'il faut. Et elle va le faire un gold, on peut l'appeler comme ça, le sens de la vie. C'est ce que je fais. Je te préviens, dès maintenant, Tal, on va danser, on va chanter avec toi, c'est obligé. Comme des fous, c'est sûr. Oui. Non mais en fait, il faut qu'on vous explique pourquoi. C'est parce que tout l'après-midi, on était excités comme des fous que tu viennes dans l'émission. Et on a mais défoncé tout l'étage de Fun Radio. Ouais. Ah oui. On a mis la musique à fond, on était debout sur les bureaux. Et même le boss de Fun d'ailleurs est venu en disant « Wow, c'est quoi ce bordel ?» Et on a quand même continué à chanter. On est des thugs. Bon, on a encore de la question pour toi, Tal. Ouais. Allez, vas-y, Cyril de Paris est avec nous. Bonsoir Cyril. Salut Marion, salut Enzo, salut Tal. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ouais, petit rituel. T'avais une question? Ouais, alors moi je voulais demander à Tal, c'est quoi la première chose que tu fais genre quand t'as du temps libre? Bah des choses simples de la vie. Je mange, je me douche, je me brosse les dents. T'as pas une petite passion en dehors de la musique, le sport, je sais pas. Si, non. Non, franchement, sincèrement, j'aime bien les choses simples. Dans le, je profite de mes potes, de mes proches. Je joue beaucoup de guitare. Voilà, je vais au resto, je vais au cinéma. Franchement, des trucs assez simples. Je suis pas très. T'es pas très showbiz. Non, je suis pas showbiz. J'ai pas des goûts de luxe et tout. J'aime la nature. Est-ce que toi-même, Cyril, quand tu as du temps libre, tu prends des douches? Oui, bah oui, quand même. Et là, c'est bien. Voilà. Et Anso, oui. Dis-moi, est-ce que, genre, pendant les lives de Tal, vous pourrez mettre la vidéo? Oui, bien sûr. On sera en live Facebook, Bichon. T'inquiète pas. D'accord, nickel. À tout à l'heure sur le live, Cyril. Tout à l'heure, bisous. Bisous. Bisous. Bisous. Tal. Tu le sais, tu es très populaire sur les réseaux sociaux. C'est un truc de ouf. Hein. Tal, sur Twitter, c'est quand même 1,9 million d'abonnés, 1,5 million sur Facebook et plus de 500 000 sur Insta. Bravo. Merci. Belle perf. Du coup, nous, on s'est amusé à faire un truc. On a sélectionné des petits tweets de gens te concernant. Ouais. Et tu vas devoir deviner la fin. À chaque fois, tu auras deux propositions. Est-ce que tu es prêt? Comme ça, en plus, on va citer les gens, ça va être sympa. On a Pedro824 qui a dit un jour sur toi. Hier soir, j'étais dans le public de Dals 4 et j'ai vu Tal officielle en vrai. Elle est vraiment trop fraîche ou trop nulle? À ton avis? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, le Pedro? S'il a mis un tweet. Ouais, non, remarque, il y a des mecs qui... Il y a des mecs qui sont méchants. Ouais. Moi, je mise pour la une. Bah, moi aussi. Ce serait trop méchant, sinon. Mais trop fraîche. Et de toute façon... Ouais, je sais pas. Si, ouais, c'est trop fraîche, évidemment. T'as l'air dans super bien. T'as comme dansé comme un pied. À quel moment? Il y a toujours des gens qui... Tu vois. T'as toujours des rageux. C'est de la merde, tu vois. Eh ben non, il était gentil, Pedro. Il a dit trop fraîche. Eh ben, merci, Pedro. On a Coralie P qui a dit « C'est incroyable comment la voix de Tal officiel a le don de me... » Première réponse, donner des frissons ou de m'exciter. À ton avis? Les deux? Non, elle a dit... Elle n'a pas dit les deux. Elle a dit « Donner des frissons » et c'est déjà pas mal. Bravo Coralie, très merci, joli tweet. Merci Coralie, t'es trop chou. On a AALex-MP qui a dit « @ Tal officiel, je te vois bien dans The Voice Kid, ce serait kiffant de te voir. » Réponse A, prendre la place de Jennifer ou... En compétition avec Matt Pokora, à ton avis? Prendre la place de Jennifer? Non. Ça paraît plus logique, non? Non. Ah. Il voulait te voir en compétition avec Matt Pokora en même temps, c'est le poteau, Matt. Ouais, c'est vrai. T'entends hyper bien avec lui. Ah oui, oui, complètement. T'aimerais bien ou pas, The Voice Kid? Je me sens pas. Je pense pas que je suis assez. Que j'ai assez d'expérience pour faire ce genre mais, de choses. Mais tu vois, moi je suis nulle en chant, concrètement, qu'on se le dise. Hein, c'est pas c'est du tout pas, mon c'est métier. C'est même pas en plus que par rapport au chant et tout, c'est même par rapport à trouver les bons mots et tout pour expliquer. Ouais. Tu vois, ah oui, le coaching. Ouais, tu vois. Non, j'ai même pas le coaching, mais je suis sur les primes, tu vois. Avoir ce truc de ouais. De t'as pas trop envie d'y aller. Les bons mots pour expliquer aussi, tu vois. Des fois, c'est pas évident quand la personne, bah, c'est pas ouf. T'as besoin de trouver les bons mots pour pas, pour la, pas la blesser. Ouais. Ouais. Mmh. C'est assez délicat comme. Juste pour le fauteuil, il faut y aller, quoi. Le faire tourner, c'est pour du fauteuil. Ouais, carrément. On a... Peut-être un jour, j'aimerais bien en tout cas un jour. On a Boulbi officiel 92 qui a dit arrêtez de comparer Tal officiel et Shime officiel, on s'en fout les deux sons, soit très talentueuse ou super bonne. À ton avis, le Boulbi, ça rigole dans le public. Qu'est-ce qu'il a dit, le Boulbi? Très talentueuse? Non, super bonne. Je suis désolée. Excuse-moi, mais là. Et enfin, on a Mademoiselle Dina qui a dit wesh, pourquoi tout le monde dit que je ressemble à Tal officiel? Réponse A, je suis largement au-dessus d'elle. Ou allez vous acheter des lunettes? Réponse B, à ton avis. Mademoiselle Dina. Je suis largement au-dessus d'elle? Bah oui, elle a dit ça, mais c'est pas possible d'être méchant comme ça. Écoute, Dina, enfin, on arrête. Ouais, mais bon, peut-être que Dina est bonasse. Oui, c'est possible. Pas, on l'a vu. De toute façon, elle a des gros nichons. Alors, tu vois, c'est quoi, je vais aller direct, ouais, là, je vais aller direct voir sur Twitter. 01 42 48 5000 pour poser toutes vos questions à Tal. On revient tout de suite dans le Night Show et on est en direct jusqu'à minuit. Bougez pas. La radio numéro 1 sur les nouveautés. C'est Fun Radio. Hi, I'm Calvin Harris, and this is my song. At least I did it my way. The Weeknd et Daft Punk. Fun. WNW. Zach Noël et Sean Paul. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Alors, ce permis à liste, t'en es où? Je suis au taquet. Là, je commence la conduite, donc y a plus qu'à. C'est comme pour nos auditeurs, y a plus qu'à. Vas-y, explique. Sur funradio.fr, la sécurité routière propose aux auditeurs de répondre à un quiz sur le permis de conduire et tenter de gagner 1000 euros pour payer leur permis. Ça le fait, non? Grave, vivement le permis. Retrouvez aussi les progrès d'Alice sur Facebook, Instagram, funradio.fr et Twitter avec le hashtag Alice passe son permis. Le permis, c'est les bons gestes dès le départ. Conditions et règlements sur funradio.fr. Allez, Fun Radio présente Bruno dans ton club. Bruno. Au BPM Lounge, à Belleville, entre Mâcon et Lyon. Demain soir, venez faire la teuf sur le meilleur du son dance floor. Salut, c'est Bruno. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une soirée de malade avec Elliot. Regarde ce que j'ai appris à faire avec les platines, Bruno. Arrête ça tout de suite, Elliot. Oh, je trouvais ça pas mal. Fun. Bruno, dans ton club. Au BPM Lounge, à Belleville, entre Mâcon et Lyon. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. Et je compte sur vous, hein. À demain soir. Plus d'infos sur funradio.fr. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. The radio of the Chainsmokers is Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Dance floor. Wanted to stay. When I saw you yesterday, not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. This way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Mario Yenso reçoivent Tal dans le Night Show. It's the Night Show on Fun Radio. Et on vous avait promis aussi de vous offrir une PS4 avec le jeu Lego Dimension ce soir. Et ben on va le faire. Inutile comme ça d'être pressant sur Facebook. Je les vois vos messages. On fera le tirage au sort tout à l'heure, là, dans quelques minutes, aux alentours de 23h. Voilà. Ouais, peut-être même qu'on pourra le faire avec Tal si elle a envie d'appeler avec nous le gagnant. Évidemment. Ah ouais, ça doit être sympa, sympa. Ah bah juste avant de se quitter. Alors on fait ça. Ah bah moi je dis. Ouais. Ah bah oui. Bon, on a encore de la question pour toi, Tal. Ça se bouscule au standard. Je te le dis, les gens veulent te parler. On a qui, Enzo? On a Margot qui est d'Aix-en-Provence. Bonsoir à toi, Margot. Bonjour les filles, bonjour Tal. Salut Margot, ça va? Oui, et toi? Ouais, super. Je voulais te demander, il y a eu une émission avec Marion Enzo sur les phobies. Ah oui, c'est vrai. Et je voulais savoir, quelle est ta phobie? Vomir. Ah, c'est énorme ça là. C'est vrai qu'elle a raison, on a fait dimanche dernier une émission spéciale phobie. On a tous dû affronter notre propre phobie. Et on a eu des gens comme toi qui avaient peur de vomir. Ah, moi, c'est un nom d'ailleurs. Je préfère souffrir. Ah ouais? Vraiment me sentir hyper mal, mais jamais. Bah ouais, mais si t'as une gastro ou un truc, t'as pas le choix. Ah, mais je préfère. Non. Tu gardes pas ça. Je ravale. Un truc horrible. Non mais tu sais que psychologiquement, comme du coup j'ai vraiment cette phobie, ça ne vient même pas. Ah bon? Ah non, je t'assure, c'est un truc de fou. T'as vraiment de la chance, toi. Ouais. D'accord. J'ai beaucoup de chance. Cela dit, il faut dire que c'est quand même pas hyper agréable de vomir, Marion. Non. Je suis d'accord avec mais vous. Mais parce que j'ai été traumatisée, en fait. Quand j'ai vomi, j'avais 8 ans. Et je pensais que j'allais mourir parce que j'arrivais plus à respirer. Oh, bébé. Non, mais c'est ridicule. Ouais, mais non, mais en fait, depuis, je ne vomis pas. C'est mort. Tu vois, j'ai un blocage. C'est pas possible. Eh bien, voilà, en exclusivité ce soir, vous savez que Tal ne vomit pas. Voilà. Voilà, ma belle. Merci, je vous fais énorme. Et toi, c'est quoi ta phobie? Moi, c'est des scolopendres. Ah oui, ah, oui. D'accord, ok. Ouais, c'est plus précis. Ouais. C'est une bête, hein, une bête. Une bête. On t'embrasse, Margot. Bisous. Moi, je vous fais des très gros bisous et à Tal aussi. Ça marche, bisous. Bisous Margot. Bisous, bisous. On a Félix aussi de Bordeaux. Hey, salut Félix. Salut Marion, salut Anto. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ça fait plaisir, motivation. T'avais une question pour Tal? Ouais, en fait j'en ai à deux. À tes souhaits. Vas-y. Alors Tal, quel filtre Snap est-ce que tu préfères? Ah, est-ce que t'as Snap déjà? Ouais. Ok, c'est quoi Tal officiel? C'est officiel tiré du Batal. D'accord. Et donc, est-ce que t'as un filtre fétiche? Alors, écoute, ça fait un moment que j'ai pas été sur Snap. D'ailleurs, tout à l'heure, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je mets un petit Snap parce que ça fait longtemps. T'es pas très filtre, tu prends des Snaps. Mais non, il y en a un que j'aimais bien, mais il est parti. C'est quoi? C'est un peu ridicule, mais on dirait un dessin en fait. Je sais pas si vous connaissez avec le Hey. Ah si, si, ah, oui. Tombé sur celui-là. Ouais, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, il était pas mal celui-là. Ouais, j'aimais bien parce qu'on aurait dit une BD. Enfin, ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, il était sympa. Et on est d'accord que le chien, on en a marre. Ah, on en ouais, marre. Le chien, ça y est. Par contre, merci Snapchat de nous rendre bonasses. Ah bah oui. On se lève le matin, on met le filtre couronne de fleurs, on est bonasses. Alors que dans la vraie vie, on est dégueulasse. Le mieux reste la couronne de papillon. La couronne de papillon est formidable. Merci Snapchat. Alors moi, il y a un qui est pas mal aussi, qui te transforme un peu la bouche, tu sais. En... Ah oui, oui, oui, oui. Ouais, j'adore celui-là, il est génial. T'as l'air quand con. Tu souris, t'as l'air vraiment con, j'adore. Ouais. J'adore. Ah, c'est génial. Voilà, Félix, tu sais tout. Il avait une autre question, bon, Félix. Oui, alors, c'est quoi le snap le plus chelou que t'es jamais reçu? Est-ce que t'as reçu un snap un peu bizarre? Comme nous, est-ce que tu reçois du sexe masculin en rafale? Oh là là, on n'en peut plus. Arrêtez de nous faire ça. Sincèrement, j'ai pas reçu de snap chelou parce que en fait, mes potes, ils utilisent pas Snapchat. On est un peu à l'ancienne, nous, on est la génération de MySpace et tout ça. Ouais, mais nous, c'est les auditeurs en fait qui nous. Oui, parce que c'est vrai que je regarde pas ce que je reçois. Enfin, je reçois pas beaucoup parce que je suis pas beaucoup de sur Snap, mais c'est pour ça. Donc rien de chelou. Pas très intéressant. Voilà. Bah, non, mais tu as de la chance parce que nous, on suit beaucoup trop de gens, je pense. Oui. Et on reçoit des trucs beaucoup trop chelous. Ça. Non, mais les gens sont dans le partage, hein, c'est indéniable. À la base, Snapchat, ça a été fait pour ça en fait. Oui. C'est pour s'envoyer des trucs un peu chelous quand même. Mais on en a marre. Voilà, Félix, on arrête les photos du sexe. Hein. Ouais, moi, j'ai jamais envoyé de photos de sexe, jamais. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est bien, Félix. Mais non, alors, j'arrive. Bon. On t'embrasse, Félix. Bisous, bisous. Allez, gros bisous à tous. Bisous. Bisous. Bon, Tal, ce que je te propose, c'est de prendre place derrière le micro de Fun Radio pour que tu nous fasses ton premier live. Oui, le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. Avec plaisir. Tal, installe-toi. Nous allons tous t'ambiancer. Ouais. Et si vous voulez continuer à poser des questions à Tal, vous pouvez encore nous appeler 01 42 48 5000 juste après le live. Bien sûr, elle reviendra poser, répondre à ces questions. Oui, et on va se faire le sens de la vie dans un instant aussi. On est en live sur la page Facebook Marion et Anso sur Fun Radio. Allez nous rejoindre. Et tout de suite, du bruit dans le studio, c'est Tal en live. World, world, world, take time to breathe. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Les yeux perdus à nos écrans noirs. Les jours s'emballent, s'écoulent à mille à l'heure. Au ciel, les nuages embrument nos espoirs. On ne voit plus tomber le soir. Cœur isolé dans nos villes, coule le temps de nos mains malhabiles. Toutes ces secondes qui filent, la vie qui nous prend là dans ses filets. Se ralentit, on commence à souffler. Hey, we don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey, we don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey, everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Everybody, souvent je rêve que vienne le temps des moments doux comme la soie. Vers la lenteur et les sentiments, au loin la peur qui s'en va. Passent les jours et les combats, combien d'été reste-t-il ici-bas? Face au temps, on n'a pas le choix. Combien d'amour reste-t-il à nos bras? Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey, we don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey, we don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Oh, oh, oh, eh, eh, eh. Prenons le temps qu'il faut. Oh, oh, oh, ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Oh, eh, eh, eh. We don't need to run, run, run, run, run. When the problem come, when they come, then we come. We can overcome, come, come, come, go. Fun, make it fun, make it fun. We can have a come, come, come, come, come. Hey. World, world, world, take time to breathe. Everybody's always in a hurry. Voilà! Merci. Ok, on est sur un kiff supersonique, les gars. Ah là là, qu'est-ce qu'elle chante bien. Viens t'asseoir, Tal, on a encore de la question pour toi. Non mais surtout, en fait, elle chante bien et puis elle danse bien en plus. Qu'est-ce que c'est agaçant. Bah c'est une artiste complète. Ouais, oui, c'est ça. Hein, elle a tout pour elle. Alors vous allez voir hein, sur la page Facebook Mario Enzo sur Fun Radio qu'effectivement, dans cette équipe, nous n'avons pas spécialement le rythme dans la peau. Hein, mais on a quand même tenté des trucs. Non, mais au moins, vous avez la joie de vivre. Ça fait plaisir. Ah, oui, voilà. Écoute, c'est vrai qu'on a ça. C'est toujours ça de gagner. Ouais. C'est déjà ça. C'est un bon début. Et on a Anaïs de Marseille qui a une question pour toi. Bonsoir, Anaïs. Bonsoir, Marion Yanso. Bonsoir, Tal. Salut. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va. T'avais une question? Oui, donc je voulais savoir de quoi tu t'inspires pour tes costumes de scène et si tu les dessinais toi-même. Oui, alors écoute, c'est vrai que ma mère est couturière. Attends, tu vas pas me dire qu'en plus de chanter, danser, en plus tu fais du stylisme. Eh ben écoute, avec ma styliste, on crée beaucoup en ce moment. Ouais, mais elle a bien un défaut, cette femme, c'est possible. Ah oui, j'en ai, t'inquiète pas, j'en ai plein. D'accord. Non, écoute, ouais, je m'inspire écoute, de la mode en règle générale. Je suis beaucoup... tout ce qui se passe et c'est vrai que je m'inspire de tout ça et en même temps j'essaye de mettre un peu de ma patte au niveau de la création donc voilà et c'est pour ça les codes couleurs me ressemblent aussi tellement sur les couleurs vestimentaires, le beige, le marron, ouais. Les couleurs un peu de nature. T'as une tenue d'ailleurs sur France 2 là, sur le show de Céline Dion là. Ah ouais. T'as une tenue magnifique, espèce de tunique comme ça. Qui paye pas de mine, mais qui est magnifique. Ah, et ça lui va super. Attends, bien. Avec quoi, une ceinture et tout, un peu débardeur, hyper ouvert, échancré sur la cuisse, hyper joli. Je me rappelle plus, ça. C'était quand? Bah, tu vois. Bah, c'était sur France 2, le show de Céline Dion, il y a genre une semaine ou deux, je crois. Ah, mais tu parles du truc beige. Ouais. En fait, alors ça, c'est marrant, c'est un manteau, en fait, qu'on a customisé, on l'a coupé de partout et on en a fait une robe. Ouais. Et c'est chambé, franchement, c'est canon. Si moi, demain, je me mets à customiser un manteau, mon gars, je te dis pas ce qui va se passer. Le truc horrible. S'il te plaît, fais-le un jour. Bah, si tu veux. On va se marrer. Je te ferai ça. Voilà, Anaïs, elle fait tout elle-même. Bah, vivement la tournée en tout cas et j'espère une date sur Marseille bientôt. Oui, t'inquiète, justement j'en ai parlé à Decibel oui. Prod et t'inquiète pas, je lâche pas l'affaire. Ok, ça marche. On t'embrasse, Anaïs. À bientôt, Anaïs. Bisous. Bon les amis, on vous l'avait promis, on va vous offrir la PS4 avec le jeu Lego Dimension maintenant. Et puisque Tal est là, elle va appeler avec nous en direct le ou la gagnante. C'était un grand concours qu'on a lancé sur Facebook, il y a eu plus de 12 000 partages, c'est énorme. Du coup, j'espère que le ou la gagnante va décrocher. Ce serait ballot. Eh ben, on appelle tout de suite. Allez, grosse pression. Je te propose, Tal, de dire allô, comment tu t'appelles, et après, on prendra le relais. Vas-y, Tal, lance-toi sur la route de l'animation radio. Pas de soucis, avec grand plaisir. Oui! Oui! Allô! Oui! Alors! Oui! Comment ça va? Ça va! Alors, comment tu t'appelles? Delphine. Pardon? Delphine. Delphine, comment tu vas, Delphine? Bah ça va super là. Tu sais pourquoi on t'appelle? Oui, je me doute. Alors vas-y, dis-nous. C'est toi qui vas nous dire. Pour me dire bonjour. Ça fait ça. Exactement. En fait, on voulait juste t'appeler à discute. Sinon tu fais quoi là, en ce moment? T'es où? Tu fais quoi? Bah j'étais chez moi, tranquille. Hein, je vous écoutais. D'accord, tout simplement. Donc en fait, forcément. Tu sais pourquoi on t'appelle, quoi. Bah, voilà, forcément, elle a tout compris. Oui. Delphine, on est d'accord, tu as liké et partagé le visuel sur Facebook. C'est ça. Delphine, on est d'accord, tu as besoin d'une PS4 parce que tu es une vraie gameuse. Énormément. Eh ben Delphine, c'est gagné. Oui. Bravo. Que Delphine, elle a tout gagné, la PS4, le jeu Lego Dimension, et en plus c'est Tal qui l'appelle. La classe. Oh là là, c'est magnifique. Bravo, super. Bravo, profite bien. C'est un triplé gagnant, j'ai envie de dire. Et t'es gameuse toi, Delphine, ou tu vas l'offrir à ton mec ou un membre de ta famille? Ah non, je joue. Et franchement, le jeu, il est énorme. En plus, Lego Dimension, c'est un vrai délire avec des plateformes et tout. C'est un jeu interactif. Franchement, on adore. Ouais, on aime beaucoup. Ah ben, c'est super. Je vous remercie énormément de tous. Et on t'embrasse, Delphine. Merci, gros bisous, bonne soirée. Bisous. Bon, les gars dans l'équipe, est-ce que vous êtes prêts à chanter avec Tal? Oui. Tal, tu vas te remettre au micro. Oh, j'adore celui-là, le sens de la vie, franchement, c'est notre chouchou. On aime tous ces derniers titres, on aime évidemment Are We Awake. Premier extrait de l'album qui sortira le 28 octobre, Le Temps qu'il faut, qu'elle nous a fait en live tout à l'heure. On adore, on sera en rendez-vous pour l'album, mais ça c'est le petit kiff à l'ancienne, le sens de la vie. Branchez-vous sur la page Facebook Marion Enso parce qu'on va se mettre en Facebook Live et on va danser, on va chanter, ça va être le feu. Tal, est-ce que tu es prête? Oui! Applaudissements pour Tal! Wow. Hey! J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis. À vous! Ouais, il faut apprendre les paroles, hein! Qui réchauffe mon cœur tout au fond de moi. Je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque fois sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai. Yeah. C'est une évidence. J'ai trouvé ma voix. Je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes yeux et je sors de l'ombre. Je sais ce que je veux. Tout le monde. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant. Et je l'ai, yeah. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai, yeah. De sens en contre-sens, tu perds toujours. Quand on ne fait pas les choses avec un peu d'amour, c'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Mais dans ma voix, c'est pour ça que je chante. Qui se voile, il y a toujours une étoile qui scintille et nous guide sur le chemin de nos rêves. Et quand on y croit, un nouveau jour se lève. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai. Bravo. Bon, alors je vous le dis, je vous fais le topo. C'était un beau bordel cette histoire. Ah, c'était génial. Ouais, c'était chambé. Franchement, on a chanté, dansé avec tout le public. Si vous entendiez parfois chanter faux, eh ben c'est normal puisque Tal a fait partager le micro. Hein. Oui, à tout le monde. Franchement, d'ailleurs, c'était énorme. Plusieurs fois à toi, Marion, et on s'en rend compte que c'est pas ton truc. En tout cas, c'était trop mignon parce qu'il y a une choupette qui était trop émue. Elle faisait un duo à un moment donné. Comment tu t'appelles, bébé? Viens voir. Comment tu t'appelles? Camille, elle s'appelle Camille. Camille, sur le live Facebook, vous allez la repérer. Elle était trop mignonne, elle était tétanisée, elle était droite comme un... Elle a bien chanté les paroles. Hyper concentrée sur les paroles. Hein. Bravo, Camille. Alors, tu sais quoi, dans l'émission, nous, on dit que c'est des beurs, les gens qui sont trop mignons. Alors toi, t'es vraiment une beur. Voilà. Elle est trop chou. T'es trop une beur. Bon, évidemment, vous retrouverez la vidéo de ce live sur YouTube, la chaîne Marion et Anso. Merci mille fois, Tal, d'être passé. C'était un kiff de t'avoir. Merci à vous. On sera au rendez-vous pour l'album le 28 octobre. On sera au rendez-vous à l'Olympia le 11 et 12 mars 2007. Elle est partout en tournée dans toute la France. Et ben, on sera à chaque date. On sera derrière Allez, toi toute ta vie. Je vous fais monter sur scène. Eh, du bruit, les gars, pour Tal quand même. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio ensemble là, jusqu'à minuit en direct 01 42 48 5000 pour nous joindre. Et puis tout de suite, c'est pourquoi tu m'appelles. Pourquoi tu m'appelles? J'ai pas appelé que tu m'emmerdes là. Moi j'ai pas appelé monsieur. J'ai appelé personne putain qui se fait chier. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Vous gagnez des packs t-shirts, monsieur t-shirt. Tu m'appelles okay. Excusez-moi, j'ai un peu le hockey. J'ai essayé de boire des coups là, mais ça marche pas. Ah, Michel, tu veux que je te fasse peur? Bah non, parce que je pense que ça va pas marcher. D'accord. À chaque fois. En tout cas, c'est Yann qui joue avec nous. Bonsoir Yann. Salut Marion, salut Anso. Ça va Yann? Ça va et vous? Bah ouais, très bien, t'as quel âge toi? Moi j'ai 16 ans. 16 ans, d'accord. Donc seconde ou première? Seconde. Ok, ça va, tout roule? Tout roule tout le temps. Alors Yann, est-ce que tu peux essayer de faire peur à Anso là comme ça parce qu'elle est pas bien, elle a le hockey? Donc. Merci Yann. Ah, merci Yann, je crois que ça a été vraiment efficace. Bravo, bah, très beau but. Tu veux jouer contre qui ce soir? Contre Mario. Marion. Ah oui, parce que Mario n'est pas dans cette émission. En même temps, vu que j'ai le hockey, ça m'arrange. Yann, bon, alors, je vais te donner un handicap, Marion. Oui. Vu qu'il y a quelques minutes, nous étions avec Tal et qu'on l'aime beaucoup. Ouais. Tu vas devoir faire un pourquoi tu m'appelles en plaçant que des mots qui finissent par Tal. Genre émental, gouvernemental. Je veux bien, mais pas que des mots, sinon je peux pas faire de phrases, quoi. Non, mais tu places un maximum. D'accord, ok. Ok. Ça va. Allez, Yann, on laisse Marion commencer, puis ce sera à toi de te lancer juste après. Pardon, je suis désolée. C'est terrible ce hockey. J'ai essayé de... Ouais. Bouge-toi le nez. Ou sors de ce studio éventuellement, ça m'arrangerait. Oui. Ah, oh, ça doit être Chantal. Oui, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? Je t'ai pas appelé, hein. Direct, elle part en frontal. Alors ça va être genre... Alors, excusez-moi, parce que mon téléphone vient de sonner. Je mangeais juste mon emmental tranquille, au calme. Et là, le téléphone sonne. Donc, est-ce qu'on se connaît ou est-ce que c'est un bug? Excusez-moi. Comment? Est-ce que c'est un bug? J'entends pas derrière vous. Il y a quand même des bruits de métal. Allô? Comment? Oui, Chantal? Non, c'est pas Chantal. Hein. Non, mais ça fait chier quand même. Parce qu'en plus, j'ai un problème rectal. J'ai eu du mal à me sortir de tous les doses génitales. Du coup, maintenant, là, il faut que ça cesse. Qui êtes-vous? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bah pourquoi tu m'appelles? Qui, moi? Ah bah oui, toi. Hein, ça va pas être Tal. Bah je sais pas, non, c'est pas moi qui vous ai appelé, madame. Ah écoutez, là, il faut absolument que ça cesse parce que je n'en peux plus. Ah bah écoutez, moi ça m'arrive aussi, des fois je suis harcelé au téléphone. D'accord, excusez-moi, vous êtes Rital? Je suis Rital? Oui, c'est une question. Italienne? Oui. J'ai des vieilles souches italiennes, ouais, effectivement. Ouais. Vous voyez, parce que j'ai fait des études dans le sociétal, du coup j'arrive vraiment à cerner tout ça, ouais. Ah bon? Parce que j'ai l'accent italien. Un petit peu, ouais, il y a un truc. Ouais, ouais. Bon, ben alors, vous savez, le peu de sang qui me reste d'italien, il date de quelques siècles. Hein. Ah, d'accord. Mais bon, je suis corse, alors ça peut être ça, peut-être aussi. Ah, d'accord. Alors, moi, ce que je préfère en Corse, c'est les récitals. Ah, c'est magnifique. Ben, les polyphonies. Ah, exactement. Ça, c'est forcément magnifique. Et alors, est-ce que, comme la plupart des Corses, vous êtes de nature sentimentale? C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que vous êtes comme ça sur les sentiments, quoi. Oui, forcément, oui. D'accord. Et au niveau du... Je vois pas trop où est-ce que vous voulez en venir, mais bon. Alors, vous allez comprendre, au niveau du végétal, on en est où? Au niveau du végétal, on en est où? Pourquoi tu m'appelles? Attends, c'était pas Chantal, il y a quelques secondes? Bon, écoutez, j'ai autre chose à foutre que de passer la soirée avec quelqu'un qui m'appelle avec un numéro masqué. Moi, j'ai appelé personne, à part un ami à moi dont son numéro était dans mon répertoire. Donc, j'ai pas pu me tromper. Écoutez, foutez-moi la paix et oubliez-moi mon numéro, s'il vous plaît. Ah, oh, ça s'énerve. Eh ben, c'est bien transcendantal, ça, hein? Parce que ça veut dire celui-là. Waouh! Oh là là, et comment j'ai tenu. J'ai même réussi à faire une conversation en lui posant des questions qu'avec des mots. Attends, il était à fond, quoi. Eh, j'ai kiffé. Hein. Combien de temps j'ai fait? On a fait 2:30 là. Oh lourd. Wow. Ouais. À Yann. 2:30. Yann, ça va être chaud 2:30, hein, poteau. Ça va être chaud, ouais. Bon, évidemment, on embrasse la Corse. Franchement, je vous aime. Yann, Yann, on y va? C'est parti? Ouais. Allez, bonne chance. On croit en toi, Yann. Et elle a toujours le hockey, elle. Ouais, j'ai toujours le hockey. Il paraît que c'est un problème de diaphragme. C'est vrai en plus. Ah, pardon. Arrête, éteins ton micro. Écoute, quand même, on fait de la radio, merde. Arrive à tout le monde. Allô? Allô, oui. Oui, pourquoi tu m'appelles? Pardon? Pourquoi tu m'appelles? Qui c'est qui appelle? Bah, c'est vous venez de m'appeler. Eh bien, parce que vous m'avez appelé. Bah, non, mon téléphone vient de sonner, je décroche. Non, mais quoi, ça vient de sonner chez moi, je décroche, et puis c'est vous qui me parlez, là, et c'est tout, hein. C'est moi, j'appelle personne. Vous devez avoir un problème, alors, c'est pas possible. Ben, mais excusez-moi, hein, mais c'est pas moi. Hein. Vous venez d'où? Ouais, bah, c'était léger, mais en même temps, j'ai fait tellement longtemps aussi mais avec ça, le Corse. Combien de temps il a fait? Là, on a fait 40 secondes. Ouais, c'est chaud. Hein. Ça pue, Yann, t'es déçu? Ouais, un peu, mais c'est pas grave. Oh non, bébé, moi j'ai pas envie de te voir déçu. Oh, moi non plus, j'ai pas du tout envie de te voir déçu. Franchement, là, non. Non. Oh, moi non plus. Hein. Tu sais quoi, Yann? Parce que j'ai le hockey, mais c'est gagné. Ouais, super. Attends, c'est le truc le plus gratos du monde. Hein. Bah oui, mais parfait. Je sais pas. Il avait l'air d'avoir une voix tellement déçue. Ah ouais, non, c'est gagné. On t'envoie évidemment les t-shirts. Super, y'a pas de soucis. Avec plaisir, mon Yann, on t'embrasse. Et bah oui. Bah moi aussi. Je sais pas pourquoi on est faible comme ça, mais enfin bon, ça nous arrive. Hein. Bisous, mon Yann. Un bisou. Et puis tu vois, regarde, j'ai plus le hockey. Ah, bah voilà. Voilà, c'est parfait. Ça c'est tout, mon Yann. Ça de t'offrir un cadeau, ça m'a enlevé le hockey. On t'embrasse, voilà. Bisous. Dans un instant sur Fun Radio, nous allons parler amour. Nous allons même parler preuve d'amour parce qu'on est tombé sur une vidéo mais hallucinante. Je vous encourage pas à la voir parce que moi elle m'a fait froid dans le dos. Ouais, moi aussi. On a pas pu la regarder jusqu'au bout d'ailleurs. Non, c'est clair, c'est une nana en gros qui par amour se fait marquer au fer rouge un cœur sur les fesses. Donc forcément elle hurle hein, parce que ça fait mal hein. Et puis permettez-moi de vous dire que le cœur est en plus complètement raté. Ouais, franchement c'est pas terrible, mais bon, elle a décidé de le faire pour prouver son amour à son mec. Est-ce que vous aussi vous avez fait des trucs complètement ouf, complètement dingue, complètement barasse par amour? 01 42 48 5000. On parle love dans un instant, juste après Sia sur Fun. I'm the youth, ay, I am the greatest, ay, this is the proof, ay, I work hard, pray hard, pay dues, ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I fell twice before, my bounce back was special, let downs will get you, and the critics will test you, but the stronger survive, another scar may bless you, I don't give up, no, no, no, no, don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anne-Soul Night Show et on vous en parle depuis le début de l'émission. Cette fameuse vidéo qu'on va pas vous faire tourner parce qu'elle est un peu choquante. En fait, c'est une fille qui l'a fait de son plein gré, hein, mais elle s'est quand même fait marquer au fer rouge un cœur sur les fesses. Ouais. C'est une connerie, c'est limite de la torture. Ça fait mal, ça brûle en fait. Hein. C'est un truc que vous gardez à vie après. Donc évidemment, à ne jamais faire. Et du coup, elle hurle, machin, elle l'a fait par amour. On a trouvé ça très con. Et en même temps, comme on est des vicieuses, on n'a pas pu s'empêcher de regarder. On a regretté. Ouais. Et du coup, voilà, ça nous a quand même inspiré ce thème. On voulait parler avec vous des plus belles preuves d'amour ou alors des plus ouf. Est-ce que dans votre vie vous avez fait un truc de malade mental pour prouver votre amour à quelqu'un? 01 42 48 5000, on en parle ensemble. Et dans un instant, je vous ai trouvé les preuves d'amour qui ont mal tourné. Dans le monde entier. Ouais. Des preuves d'amour qui à la base étaient une bonne idée et qui finalement sont devenues une cata. Voilà. Anso, est-ce que toi t'as déjà fait un truc de ouf par amour? À part me ruiner en billet d'avion pour aller retrouver un mec, non. Moi, j'avais mon ex qui m'avait fait une belle preuve d'amour. Il m'avait fait croire qu'il pourrait pas être là à Noël. Et quand je suis arrivée le 24 décembre, il était chez mes parents. Ah, c'est beau ça. Ouais, c'était beurre. Il est arrivé, je suis arrivée à 19h, il était arrivé à 17h, mon père était allé chercher tout, il était là au pied du sapin. The bar. Ah, ça c'est touchant, the bar. C'est très touchant, surtout qu'on est plus ensemble, donc c'est très très bien. D'accord. C'est celui avec qui tu es restée 6 ans? Tout à fait. D'accord. J'avais déjà dit dans cette émission, une fois j'avais fait 5 heures de route toute seule la nuit en smart pour rejoindre mon ex. Ça c'était dur parce que moi il faut savoir que je déteste conduire seule, tout ce qui est autoroute, tout ça j'aime pas. Et la smart, je vous raconte pas. Et j'ai déjà fait aussi 26 cadeaux pour les 26 ans de quelqu'un, ça m'a pris 3 mois d'organisation. Ah c'était oui, beau. Ça je m'en souviens. Mais en revanche 5 heures de smart, c'est tout petit, c'est pas confortable en plus, ça devait être horrible. Oui, bah oui, je sais. Alors, les mauvaises langues diront que vu ma taille et la Smart, c'était voilà. Mais un 4x4, voilà. Rien à voir, non. La Smart, c'était hyper pratique pour moi à l'époque. Et du coup, je l'ai fait. J'ai combattu les éléments, quoi. Bravo, Marion. Bravo. Voilà, merci. Ça, c'est un gentil chat. Mamir, toi, est-ce que t'as déjà fait une preuve d'amour comme ça, de ouf? Un truc de gueudin, quoi. Moi, en fait, j'ai déjà fait l'amour avec une meuf, mais par pitié. Quoi? Ouais, elle m'a fait de la peine. Attends. Comment ça, par pitié? C'est pas une preuve d'amour, ça? De quoi tu parles? Et bah, elle me faisait de la peine, et du coup, moi, je voulais m'en séparer. Au final, elle m'a dit, est-ce qu'on peut faire amour? Ça, j'ai dit oui. Voilà. J'ai aussi fait un aller-retour en Belgique dans la même journée. Et ça, c'était dans la même journée. Hein. Ah, ça, c'est beau. Ouais. Par contre, c'est bien, ça, valide. Ouais, on aime bien. Mal. Mais pourquoi ta meuf habite en Belgique? Bah, elle est celle de l'époque, ouais. Elle était en Belgique, moi, j'habitais à Paris, et puis. En même temps, c'est pas un truc de ouf non plus de faire un aller-retour. Tout le monde l'a déjà fait, non? C'est pas un truc de ouf. Non, si, parce que dans la même journée, tu fais, t'y vas juste pour voir la personne, lui faire un bisou et tout. Je crois que Thibault, ça lui est arrivé à Nantes. Ouais, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un Paris-Nantes en train, en fraudant, juste pour aller lui souhaiter une bonne journée et lui faire un petit bisou. Oh, hyper romantique. Ça, c'est hyper romantique. Ouais. Sauf que bon, le problème, c'est que genre 2 semaines après, elle m'a largué, donc 2 amendes et elle m'a largué en plus. Oh, dégoûté. Ouais, mais c'est pas grave. T'as tout donné, c'était bien. En même temps, t'es con aussi de frauder. Il y a Nathan de Metz qui nous a appelé. Bonsoir à toi, Nathan. Salut Marion, c'est Yanto. Ça va? Ouais, nickel. Bah ouais, très bien. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 16 ans. D'accord. Et t'as déjà fait une belle preuve d'amour à cet âge-là? Ouais. Bah, raconte. Bah, en fait, ma copine, elle était partie en vacances à Londres. Et en fait, elle a eu un accident de voiture. Donc, du coup, c'était en juillet dernier en plus. J'ai demandé à mes parents de prendre un billet pour l'Eurostar et je suis partie la rejoindre à l'hôpital. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon. Franchement, c'est trop frais, Nathan. Elle devait être tellement contente de te voir. Bah, oui, c'est ouf. Et donc, du coup, nos liens se sont resserrés et tout. Oh, bébé, elle est trop chou. Mais du coup, tu y es allée avec tes parents? J'y suis juste allée avec ma mère, mais après, quand je suis allée à l'hôpital, ma mère, elle est restée à l'hôtel. Et voilà. Et franchement, moi, je pense que ma mère n'aurait jamais fait ça. Hein. Elle m'aurait jamais accompagnée pour voir mon mec à 16 ans, tu vois. Ouais, et à 16 ans, moi, j'avais eu un mec qui aurait eu l'idée de faire ça. Cela dit, à 16 ans, j'avais pas eu d'accident de voiture non plus. Donc oui. Bon, personne ne serait venu me voir à l'hôpital. Mais quand même. En tout cas, c'est beau. Bravo à toi, Nathan. Et vous êtes toujours ensemble, Nathan? Ouais, toujours. Elle s'appelle comment? De quoi? Elle s'appelle comment? Ah, elle s'appelle Chloé. Mais dis-lui que tu l'aimes, Chloé, devant toute la France. Chloé, je t'aime. Oh là là. Ah non, mais nous, on adore ça. Hein. Écoute, franchement, j'ai la larme à l'œil. On t'embrasse, Nathan. Merci de nous avoir appelés. Bisous. Est-ce que vous êtes prêts à jouer l'équipe? C'est le vrai faux sur les preuves d'amour qui ont complètement foiré. Ah ouais, vas-y. Le vrai faux du Night Show. Je vous emmène aux États-Unis où un homme a décidé de faire sa demande en mariage en emmenant sa fiancée au restaurant. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Tout était prévu. Le chef avait caché la bague dans le dessert de la future mariée. Sauf que ce qui devait arriver arriva, la femme a avalé la bague et elle a dû prendre plusieurs laxatifs pour pouvoir l'évacuer. Oh, c'est horrible. Vrai ou faux, l'homme l'aurait récupéré dans les selles de la femme. Non, alors moi je pense que l'histoire est vraie, mais le mec n'a pas été récupéré la bague. Tout est vrai. Ils ont dû récupérer le lendemain la bague dans les selles de la femme. Et si laxatif oblige, bah sinon elle était perdue. Non mais d'accord, mais elle peut le faire toute seule. Son mec est pas obligé d'y aller, quoi. Bah franchement, c'est dégueulasse. Ah, non, c'est c'était horrible. De sa faute à lui. Hein. Oui. En Espagne, lors d'un concert, c'est pas pareil, un homme décide de demander la main de sa fiancée en plein milieu d'une chanson qu'ils adorent tous les deux. Du coup, il fait sa demande, la femme crie oui. Problème, le lendemain, elle s'aperçoit qu'elle avait en fait pas du tout compris la question parce que le son était trop fort. Du coup, elle a dû lui dire « Je suis désolée, mais non, j'ai pas envie de t'épouser. » Non, c'est pas possible. C'est vrai. Mais attends, mais elle avait compris quoi, on sait pas ? On sait pas. En fait, elle avait rien compris, donc le mec, voilà, il attend la chanson qu'ils adorent, il lui parle, elle comprend autre chose, elle dit oui, sauf que c'était une vraie demande en mariage. Oh, le pauvre, du coup, le lendemain, bah, ils ont tout annulé. Ça fait de la peine, non ? Bah surtout, puis ils se sont séparés, j'imagine. Bah, je sais pas, j'ai pas la suite de l'histoire, je suis désolée. J'ai pas assez bossé, pardon. Au Brésil, un homme décide de faire une déclaration à sa femme à l'aide d'un avion. Écoute bien, ils sont sur la plage, l'avion doit passer à une heure précise avec une banderole derrière qui flotte dans les airs et qui dit « Je t'aime, Maria ». Problème, sur la pancarte est écrit en fait « Je t'aime Mario », à ton avis. Ah si, c'est possible en vrai. Eh ben non, mais j'aurais bien aimé. Enfin quoi, qu'en même temps, trouver un prénom brésilien Maria, c'est vrai que c'était un peu facile, j'aurais peut-être dû m'en douter. En Italie, à Venise, un homme sort le grand jeu pour faire sa déclaration à sa fiancée. Le soir, en gros, ils partent faire un tour de gondole. Là, l'homme décide de présenter la bague. Il se lève, commence à parler. Et alors là, l'enchaînement. Il se prend un pont en pleine tête, il s'évanouit, il tombe dans l'eau et il passe la nuit à l'hôpital. Mais non, c'est je te jure, le choc est si fort qu'il se rappelle plus de rien le lendemain matin, même pas de sa femme. Vrai non, ou faux ? Non, c'est pas possible. C'est vrai. Mais arrête. Je te promets que c'est vrai. C'est un truc de malade. Mais et du coup. Complètement amnésique. Non, après il est sorti de l'amnésie, mais pendant plusieurs jours il se rappelle de rien. Ah, le pauvre. C'est dur. Dernier. Lors d'un séjour à la montagne, un jeune homme de 26 ans voulait profiter de la vue pour sa demande en mariage. Et alors là, il s'est retrouvé bloqué dans un télésiège avec sa compagne. Oh merde. Pris de terribles tremblements causés par le froid, l'homme n'a pas eu d'autre solution que de l'enrouler dans ses sourcils pour la réchauffer. Vrai ou fausse preuve d'amour ? C'est vrai ça. Je vous emmerde. Attends, parce que moi j'étais complètement happée dans l'histoire et je m'attendais vraiment à un truc vrai quoi. Mais ça pourrait être vrai. Alors du coup comment ça s'est passé Amir ? Les doudounes sourcils, ça marche bien non ? Bah non, franchement non. Mais déjà, je voulais vous parler d'un truc les filles. Vas-y. C'est vraiment sincère. Naïm. J'ai parlé avec beaucoup de gens en ce moment, c'est la Fashion Week. Arrête. Attends. Sait ce que tu vas dire, c'est la mode des gros sourcils. Non, il va nous dire que c'est la mode au Pakistan. Hein. Voilà, il voulait dire ça. Non, pas du tout, pas du tout. Je voulais vous parler d'un truc. J'ai parlé avec un styliste sur Twitter, en privé. Ouais. Et il a vu ma photo et il m'a dit que mes sourcils, c'était hyper tendance et hyper stylé. Il s'appelle comment ? J'ai pas envie de donner son blaze. Bien sûr. Il voulait pas que je le donne à l'antenne. C'est ça. est-ce que tu peux juste, tu caches son blaze, mais tu le postes sur la page Facebook Marion et Anso. Ok. Non mais attends parce que je viens de voir le blaze, c'est @mytho2000 je crois. On a Céline Denis avec nous, bonsoir Céline. Bonsoir toute l'équipe du Night Show, comment ça va ? Ça va et toi ? Super. Alors dis-nous, est-ce que toi tu as reçu ou fait une preuve d'amour complètement ouf ? J'ai fait une preuve d'amour complètement ouf. Raconte. Ben j'étais en première EES et en sortant des cours je croisais toujours un mec et j'ai complètement flashé dessus. Je suis allée l'aborder, tout ça, et le problème, c'est que lui, il était en seconde. Mmh. Donc, comment c'était impossible toute l'année scolaire de se voir, je suis arrivée, j'ai redoublé, j'ai repiqué ma première, et j'ai changé de filière. Arrête comme de pleurer. Mais non, je te crois pas. T'as fait exprès de redoubler pour le gars ? Ouais, non, complète. Et le plus fou, c'est que j'ai redoublé et j'ai changé de filière. Je suis passée de S en ES. Ah mais ça mais attends, c'est pas fou, c'est débile. Mais non mais surtout Céline, au-delà du fait qu'effectivement je suis un petit peu de la vie de Marion, c'est peut-être un peu stupide, mais pourquoi pas. Est-ce que tu l'as pécho le gars ? Bah bien sûr, sinon j'aurais pas fait ça. Ah, et vous êtes toujours ensemble ? Ouais, ça va. Ah, bah, par contre, elle a pas de métier, elle a complètement perdu sa voix. Non, métier si, c'est bon. Ah ça d'accord. Ah ouais, quand même, le changement de filière. Ouais, mais heureusement, ça m'intéressait de un peu la ES, donc ça allait. Ah oui, d'accord. C'était finalement pas un choix si désintéressé que ça. Non, mais quand même, c'était pas vraiment mon choix. Donc voilà, pour être avec lui, pour pas que ça. Eh bah, ben effectivement, c'est une preuve d'amour complètement ouf. Bravo et merci de nous avoir appelés. Avec plaisir. Bisous. Bisous. On t'embrasse. Ciao. Il y a Florent aussi de Colmar qui était avec nous. Bonsoir Florent. Ouais, bonsoir les filles, bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe, et on est content d'être là. On est content d'être là. Ah, il y a de l'ambiance ce soir, c'est génial. Alors Flo, est-ce que tu as fait une preuve d'amour complètement ouf toi ? Complètement, je sais pas, mais j'ai fait une belle preuve d'amour, ouais. Donc, au final, ça n'a rien donné, mais bon. Voilà, quoi. Raconte-nous. Ça fait que j'étais fou amoureux d'une femme qui était la mienne. Et ce qu'il y a, c'est que un matin, je me suis dit, en fait, j'étais tellement amoureux que je me suis dit, je vais me faire tatouer son prénom. Oh là là. Et au final, elle m'a quitté une semaine après. Ouais, c'est chaud. Hein. Donc, c'était dur. Et franchement, c'est horrible parce que c'était Angelina Jolie qui l'avait fait avec son premier mari, la Billy Bob Thornton. Là. Ouais. Et elle se l'est fait enlever au laser et depuis, elle a mis les plans là, de la naissance de ses enfants, là, les trucs géographiques. Ce qu'il y a, c'est qu'Angelina Jolie, elle a l'argent pour se faire enlever au laser. Bah, moi, j'ai pas l'argent. Comment elle s'appelle ta copine? Mon ex-copine. Ouais, elle s'appelait Léna. Léna. Elle s'appelle toujours, hein, d'ailleurs. Ah, attends, Léna, tu pourrais te transformer en quoi? Léno? Ça va être compliqué. En plus, je l'ai fait sur le bout de mon bras. Donc, voilà. Ouais, donc, c'est assez voyant quand même. Donc, pour rechoper. Écoute, la bonne nouvelle, c'est que vraiment le laser se démocratise. La Pokora l'a fait, il y en a plein qui le font. Je pense que ça va devenir de moins en moins cher. Donc, attends un peu, économise et il faut que tu te fasses enlever ça parce que ça va faire fuir les meufs, hein, c'est sûr. Mais c'est ça. D'ailleurs, j'ai une petite question. Vous n'avez pas des petits conseils? Ah, pour les meufs. Alors après, moi je pense que la meuf, elle peut trouver ça aussi hyper romantique de se dire le gars est allé jusqu'à tatouer le prénom de son ex. Ça veut dire que c'est un mec investi, romantique, tout ça. Ça peut marcher en ta faveur, mais au bout d'un moment, elle voudra que tu l'enlèves. Moi je dis, ça peut paraître comme quelqu'un d'un peu excessif et tu vois, dans ses sentiments. Les gars, ne faites pas ça, ne vous tatouez pas le prénom de vos copines. Achetez des gourmettes. Mais voilà. Oui, ça marche. Voilà, ça marche. Ah ouais, c'est vrai, ça coûte moins cher et on peut le retirer quand on veut. Quoi. Bah oui, c'est ça. Exactement. C'est vrai. Et une dernière petite chose, Pépère, il aurait pas un conseil pour moi? Alors Pépère, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il a déjà fait une preuve d'amour complètement ouf? Dis-nous. Bah Pépère, lui, par amour, il pourrait décrocher la lune. Oh, mais il est romantique, le Pépère, ça. Ouais, mais enfin, décrocher la lune, Pépère, il parle de son gros cul, hein, qui a posté les gens sur le canapé, cette feignasse. Non. Ah si, hein. Ah, c'était sûr, il y avait une douille. Elle est feignasse, mes mères? Bah oui, c'est une grosse vache. Non, mais grosse vache, elle est feignante, quoi. D'accord. Oui, elle a fait 120 kilos. Ouais, c'est ça, t'as raison, Florent, il est vachement romantique. Moi, j'aime bien. Bon, merci de nous avoir appelé, mon frère. Merci à vous, les filles. Bisous à toi, bonne soirée. Bon courage, mon pote. Bisous. Ça marche. Restez avec nous dans un instant sur Fun Radio avec Marion et toute l'équipe du Night Show. On a envie de bitcher. Ouais. Mm-hmm. J'en ai gros sur la patate. Non, mais c'est vrai, c'est ce moment où vous pouvez parler de qui vous voulez, une star, un truc qui s'est passé, un truc sur les réseaux sociaux. Appelez-nous là, 01 42 48 5000, hashtag le Night Show. Et on se retrouve là juste après DJ Snake et Justin Bieber. C'est Let Me Love You sur Fun Radio. On est en direct jusqu'à minuit, on profite. I used to believe. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. 23h34, c'est Marion et Anso, le Night Show. Et on vous lit là sur Twitter, hashtag le Night Show, et sur Facebook aussi. Amir, tu peux nous lire 2-3 tweets de gens là? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'émission? Comment ça se passe? Comment ils vont? Si tu dis que je suis le plus beau, je le fais. T'es le plus beau, allez, vas-y. Hashtag le Night Show pour réagir à l'émission. Alors là, il y a Valentine31. J'ai écouté ce soir votre émission, je suis devenu accro. Oh, ben, merci. Bisous. Combal Fan qui dit merci de recevoir mon artiste préféré ce soir. Mmh. Du coup, je vous ai découvert, vous êtes trop drôle. Certainement un fan de Castaldi. Elle est con. Il s'étouffe. Ça va? Ouais. Mais ça va? Bah Amir, David. Tu veux de l'eau? Non, non, ça va. De toute façon, beaucoup de monde bouge pour ramener. The David 21, les filles, vous êtes drôles. Est-ce que vous pouvez faire plus d'émissions? On en fait déjà pas mal, non? Bah on est quand même là du dimanche au jeudi, non? C'est un beau ratio, hein? Bah dis-nous, sois plus précis, tu veux qu'on vienne quand? Pas de soucis. De quelle heure à quelle heure? On va lui répondre. Et puis il y a le M26 qui demande, est-ce qu'un jour vous pouvez remplacer Bruno juste pour rire? C'est vrai que ce serait marrant. On en avait parlé avec Bruno, tu te souviens, un jour d'apéro? D'inverser et tout, et qu'eux viennent faire le soiring. Ce serait drôle, effectivement. Ce serait drôle. Ouais, c'est vrai que ce serait marrant. Et j'aimerais bien payer des factures et tout, moi. Par contre, se lever à 4 du. Oh, ça va une fois. Allez, d'accord. Bah, vous savez quoi, on fait demain matin. Allez, c'est parti, on y va. Enfin, un moment où l'on peut dire ce qu'on pense. C'est l'heure de bitcher dans le Night Show. Alors si vous nous découvrez ce soir, le moment bitch, en gros c'est le moment où on se lâche. Chaque membre de l'équipe et vous tous là au standard, vous pouvez dire ce que vous voulez, faire vos langues de vipère sur une personnalité, une émission télé, n'importe quoi, un truc, un mouvement qui vous énerve. 01 42 48 5000 et on va commencer ce soir par Anso. Qu'est-ce qui se passe, Anso? Bah en fait c'est pas trop un coup de gueule, c'est plutôt que j'ai de la peine. Pour ça qui? Me fait vraiment profondément de la peine. Parce qu'en fait, tu sais, sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser à la cause animale, ouais. En ce moment, ils montrent souvent des abattoirs, ils montrent souvent, tu vois, ou des animaux qui sont en train de vivre des choses atroces, qui sont torturés, les poussins broyés, tout ça. Et ben, en fait, quand tu les vois passer sur Facebook, par exemple, la vidéo, elle se lance toute seule. Oui, je sais. Et donc, du coup, tu tombes nez à nez avec des images horribles. Et moi, la cause animale, et je sais que t'es pareil, Marion, et que toute l'équipe est comme ça, d'ailleurs. Ça me fait vraiment de la peine de voir ces animaux dépecés, brûlés ou broyés, quoi. Cela dit, Babber, c'est aussi un moyen de sensibiliser les gens. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces images chocs, est-ce que les gens auraient envie de participer aux pétitions, de se rebeller, tu vois? C'est aussi pour réveiller l'opinion publique quelque part. Je sais, mais j'y participe déjà. Oui, toi. Et en plus, en vrai, je rentre, j'ai de la peine. J'en parle beaucoup avec Wacha, mon chat, quand je rentre. On s'assoit tous les deux, elle me dit alors, est-ce que tu as vu? Parce que Wacha a cette voix, effectivement. Elle parle comme ça avec une pipe. Et du coup, ça me fait vraiment de la peine. Voilà. Je comprends, mais je trouve aussi c'est important de le partager. Et c'est bien que les gens se mobilisent sur ce genre de trucs. Et voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Les abattoirs qui abusent et qui respectent pas les normes, tout ça, ça me rend dingue. Moi aussi, vraiment. Mais je pense qu'un jour, je vais être marraine d'une association. Moi aussi. J'ai envie d'ailleurs, bon, si vous avez une association pour la défense des animaux, franchement appelez-nous parce qu'on adorerait s'investir avec Anso. Après, c'est un engagement quand même. Je sais. Ouais, moi aussi. Ça prend du temps. Mais c'est du temps, c'est un engagement, donc c'est super bien de vouloir le faire. Mais surtout, mais c'est un engagement. Est-ce qu'une association voudra de moi en tant que mari? Bah oui, pourquoi pas. Je pense qu'il y a plein de petites associations, tu sais, parfois dans les petits villages. Non, c'est moche de dire ça. Alors, tu veux dire que par exemple la SPA ou Brigitte Bardot, on pourrait pas? Non, disons que pour l'instant, ça serait compliqué de mélanger votre planning avec celui d'une grosse association. Tu sais quoi, c'est pas grave, même les assos de petits villages, on prend. Mais non, mais il y a plein d'assos, donc j'ai pas fini ma phrase, qui cherchent des marins, des parrains. Oui, ça se dit pas des marins. Non, mais et qui cherchent des personnalités parfois pour les défendre, parce qu'ils sont tout petits, ils ont besoin de visibilité. D'accord. Oui, Enzo. Et vous rigolez, mais je suis sérieux. Est-ce que les sourciers de la mire, ils ont une association aussi? Est-ce que je peux être marraine de l'association des sourciers, Damien? C'est ça que je vous reproche à vous. Bon, en tout cas, on le fera un jour, c'est premier Anso. Est-ce que je peux faire mon coup de gueule à moi? Vas-y, j'allais te le demander. Moi, c'est sur Secret Story. J'aime bien de temps en temps, ça me vide la tête. J'aime bien regarder les replays en rentrant, tout ça, il y a pas de souci. Mais là, je suis pas d'accord. Je comprends pas la production parce que ils ont viré cette semaine Marvin, un candidat un peu emblématique de la saison 10. Ils l'ont viré et comme justification, ils ont dit comportement inapproprié, propos déplacés. C'est bien les gars, mais ça s'appelle de la télé-réalité. Faut dire les choses. On est dans la réalité, je veux savoir ce qu'il a fait vraiment, qu'est-ce qu'il a dit. Là, c'est de la télé, je vous dis rien et ça m'énerve. On exclut un gars et on sait même pas pourquoi. J'ai envie de savoir. Mais le public. Là, vraiment. Le jour de gloire est arrivé. Le public est capable de comprendre et d'entendre des propos, on en entend partout dans toutes les télé-réalités. Dites-nous ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Arrêter la langue de bois, il a eu un comportement déplacé. C'est bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé un gars, il s'est énervé, il a tapé dans un mur. Tu vois, ça m'énerve, on nous dit rien, on nous prend pour des cons. Et nous après on est là, on vote comme ça pour des gens qu'on ne connaît même pas. Tu saignes du nez là par contre, hein, mais tu te calmes. Mais il faut voter, mais pour la bonne cause. Merci Amir. De quoi tu parles en fait? En fait, il y a la musique derrière, du coup je suis parti dans le vote de la présidentielle, tout ça. Ah oui, rien à voir. Oui, effectivement, il faut voter pour la vraie politique. Oui, on est d'accord. Le gars va dire je me présente. Attention, j'ai pas la capacité, mais j'aurais kiffé me présenter. Hein. D'accord. Bah, c'est bien ça. J'aimerais bien voir le programme avec les sourcils. Simon de Caen, bitcher. Sourcils obligatoires pour tous. Bonsoir Simon. Salut toute l'équipe. Ça va Simon? Ça va super bien et vous? Bah ouais, très bien, t'avais envie de bitcher ce soir. Ouais, moi il y a un petit truc qui m'énerve, c'est, tu sais, quand tu vas au magasin te faire rembourser un truc et qu'ils te filent un avoir alors que tu voudrais juste qu'ils te remboursent en argent, quoi. Je trouve ça insupportable, ça me saoule à un point, parce qu'au final, quand t'as envie de te faire rembourser, t'as juste pas envie de racheter un truc dans le même magasin, quoi. Je suis tellement d'accord avec toi, ça m'énerve de ouf, et même pendant les soldes où tu peux pas échanger. Ouais, t'as absolument pas le droit d'échanger, t'es obligé de... C'est une galère, c'est... Ouais, mais ça te fait de plus en plus. Hein, mais mon pote, il faut poser la question juste avant d'acheter en fait. Mais je suis désolée, quand tu achètes un truc, tu veux faire un cadeau, après t'as envie de te faire rembourser, ils te donnent un avoir, c'est relou. Mais tout le monde devrait rembourser les gens quoi. Vous savez ce que je fais? Est-ce que je peux donner une petite astuce? Oui, bah bien sûr. Une fois dans une boutique Orange de Boulogne-Billancourt, j'avais acheté un vieux truc et il y avait rien dedans. Et en fait, je l'ai rendu, j'ai voulu me faire rembourser. La personne m'a dit bah non, vous faites pas rembourser, on vous donne un avoir. Du coup, j'ai dit non, je vais récupérer mon argent. La fille m'a dit je peux rien faire. Je suis sorti de la boutique. J'ai appelé le siège social, ouais. J'ai gueulé au siège social, j'ai demandé le service presse, j'ai appelé le siège social et je suis reparti dans la boutique et là la meuf m'a remboursé, elle a fait une petite tête. Bah oui, mais c'est, mais après tu vois, s'il faut à chaque fois appeler le siège social, taper la gueulante et tout, c'est pénible. Ah ouais, mais ça tout le monde peut le faire, mais vraiment tout le monde. Ouais. Faut pas se laisser faire. Bah Simon, service presse de tout quoi. Ouais, tu dis que t'es journaliste, tu verras, ça passe. Ouais. Je te jure. C'est un peu compliqué à chaque fois, non? Mais t'inquiète, j'ai été journaliste 1000 fois là pour toi. Pas du tout en vrai. Mais Simon, on le prend complètement ton bitchage, on t'embrasse. Merci, bonne soirée. Bisous. Thibaut à l'arrêt, c'est quoi ton moment bitch à toi? Ah là, il faut que je bitch, là je suis pas bien. Je me suis fait draguer encore toute la semaine par des mecs. J'ai aucun problème avec les mecs, mais là pendant toute la semaine, bah, y a que des mecs qui m'ont dragué. Alors c'est vrai que Thibaut, ouais, qui est hétéro, oui, attire beaucoup la communauté gay. Alors moi je trouve que tu as un petit look et je comprends tout à fait que tu plaises aux mecs. Ouais, bah regarde, tout à l'heure donc je viens en train, ouais, je m'assois et là il y a un gars, il s'assoit à côté de moi, il commence à me parler, il me lâche son numéro et tout. Et alors, c'est cool. Mais c'est il y a flatteur. Deux jours, short machin dans un bar, il y a un gars qui me paye un verre. Et alors, sympa. Il bah, attends, sort dans le quartier gay de Paris lui aussi. Bah oui. Non. Mais mec, on est cool avec toi, on te donne un numéro, on te donne de l'amour, on te paye des verres gratuits, mais de quoi se plaint-il? Ouais, c'est vrai que ça vaut le coup après. Moi aussi, oui, ça m'arrive souvent ça aussi. Ah mais c'est vrai, oui, que ça t'arrive toi aussi. Ouais, ça m'arrive souvent de me faire draguer par des gays. Moi, je pense que j'ai un petit physique, tu vois, un peu mince, un peu... Je me suis jamais fragile, fait draguer par une fille, moi, je crois. Fin... Bah, les filles, c'est pas pareil. Moi non plus. Mais d'ailleurs, la fille, enfin, ça drague pas comme ça, hein. Non. Non, nous, on est un peu plus sur la réserve, hein. Ouais, oui. Les mecs, ils perdent pas de temps. Ils... Ouais, c'est vrai. On rentre dans le tas. Mais vous avez raison, en même temps, hein. C'est bien, les mecs, continuez. On a Isabelle de Cannes qui voulait bitcher. Salut, Isa. Salut, toute l'équipe. Vous allez bien? Salut, Isa aussi. Ça va et toi? Ouais, je suis trop vénère. Pourquoi? Pas plus tard qu'aujourd'hui. Alors, moi, mon thème, c'est l'incivisme, mais surtout l'incivisme des gamins. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je rencontre un groupe de gamins dont je me suis occupée quand j'étais animatrice. Et je leur parle. Salut les gars, vous êtes en train de sécher. Oh, c'est pas cool. Bon, faites attention à vous, etc. Je repars dans les escaliers. 3 secondes après, je me prends une bouteille de coca entière ouverte sur la gueule. Oh. Je peux te dire que là, mon intervention pédagogique, elle n'a pas été tout à fait exemplaire. Mais c'est des enfants. Non. Là, mais des gamins, je veux dire, en plus, dont on s'en est occupé. Donc, on peut se poser la question. Est-ce qu'on a été efficace? Tu vois les trucs? Enfin, bref. Du coup, j'étais vraiment triste parce que le gamin, il n'a rien compris. Et à la limite, à la fin, celui qui m'agresse, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je m'excuse? À la limite, il me frappe, tu vois. Donc, ça, j'ai pas du tout apprécié. Et aujourd'hui, ça m'a fait vraiment, comme tu dis, de la peine de voir que il y avait un niveau là. Eh ben écoute, le message est passé. Tu n'aimes pas les enfants, c'est ton choix. Mais non, on te comprend. J'aime pas les enfants mal élevés. Oui, on peut comprendre Isabelle, ça agace, mais ils étaient peut-être dans un mauvais jour. Oui, on a tous des moments difficiles. Ouais, c'est clair, les glandés, ils avaient rien à foutre, juste à m'emmerder, quoi. Ah, c'est des petits. Ouais. Bon, merci de nous avoir appelé et d'avoir bitché Isa. Bisous, Isa. Salut. Bisous. Dans l'équipe, levez la main, qui a envie de bitcher, là, les garçons? Amir, vas-y. Moi, j'aimerais bitcher sur un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Et y a eu... Quoi? Non, tu m'as regardé en faisant un signe. Ouais, parce qu'en fait, tu devais envoyer un son, mon pote. Mais c'est pas. Ah. Enquête exclusive. Il y a pas si longtemps. Ah bah merde, c'était pas cette émission, mais c'est pas grave. Il y a eu une émission sur M6 qui s'appelle Dossier Tabou, quelque chose comme ça. Ouais. Avec oui, oui. Bernard de la Villardière. Ouais. Il a fait un truc avec des jeunes et tout ça. Oui, j'ai vu, ouais. Et il y a eu une espèce de polémique parce qu'il disait que c'était fait agresser par des gars et tout. Et en fait, là, il y a une vidéo sur Facebook qui traîne avec exactement ce qui s'est passé avant, enfin vraiment comment ça s'est passé. Et je trouve, et pourtant j'ai beaucoup d'estime pour Bernard de la Villardière, et je trouve qu'en fait, il a pas été cool avec les mecs de Sevran. Bah, je l'ai pas vu cette vidéo dont tu parles. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a quand même manipulé un petit peu la vérité parce qu'il a fait un montage de cette séquence et qu'effectivement les jeunes eux ont diffusé ce qui s'est passé et que lui il avait quand même ses torts dans l'histoire, c'est vrai. Allez voir les vidéos pour vous faire votre propre avis parce que c'est compliqué. Parce que eux aussi ils sont un petit peu dans l'agression, c'est vrai Amir quand même. Ah totalement, ouais. Et lui pareil, tu vois, c'est pas propre. Ils sont pas dans l'agression, ils sont comme moi, je pense que quand tu m'agresses, bah je deviens vite sanguin et je monte vite en pression. Ils étaient cool. En fait, au début, ils étaient juste là en se disant, bah, il fait quoi le mec, forcément. Et puis ensuite, ça s'est mal passé. Mais pour le coup, je trouve que c'est pas les mecs de Sevran qui étaient pas cool. Alors, est-ce que je dois comprendre que t'es un petit peu déçu par Nanar? Bah, je me dis putain, dommage. Voilà, je l'aimais bien ce mec et là, je suis un petit peu déçu. C'est une erreur de parcours, ça arrive. Ouais, mais à son âge et en plus, comme il l'a dit dans la vidéo, il a fait le tour du monde. Il a fait des interviews partout dans le monde. Là, il est comme il l'a dit, il est dans son pays. Bon bah, mec, enfin, sois cool quoi. Rassure la France. Est-ce que tu aimes quand même toujours Nanar? Bon. Ça va. On est potes. Ça passe. D'accord. Ouais, faut que je l'appelle. Rapidement, un dernier coup de gueule. Oui, Yannick. Moi, je veux bitcher contre la SNCF. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là. Fais gaffe quand même, on est potes avec eux. Ouais. Moi, j'adore la SNCF, je suis max trotteur, c'est-à-dire que je voyage beaucoup. Tous les week-ends, je descends dans le sud. Mais le problème, c'est la clim dans le train. Ah, je suis d'accord avec toi. Il fait toujours moins 12. Le gars, c'est pas gérer la clim, il fait trop froid. Donc, s'il vous plaît, mettez la clim, allez à 21, 20. Il 21. A raison. Après, je pense que ça doit être très compliqué de régler la température dans un train, si je puis me permettre. Et c'est le même problème dans les avions. Hein. Bah. Ah, bah oui, mais c'est normal parce qu'en fait, la clim sert de l'air aussi. Pour renouveler l'air. Parce que les fenêtres sont pas ouvertes. Parce que t'imagines bien qu'on volerait tous. C'est vrai. Donc, du coup, pour renouveler l'air, ils sont obligés de balancer de l'air frais, quoi. D'accord. D'accord. À bas la climatisation. Bien sûr, si vous avez des besoins de conseils en ingénieur, vous m'appelez, il n'y a pas de problème. Allez, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On va parler de quoi? On va parler de... Cul. Ah ouais. Voilà, on va parler de Club Libertin, tout ça. On a une histoire qui est difficile pour la personne qui va nous la raconter, mais quand même plutôt hyper drôle à écouter. Ouais. Restez là, on revient tout de suite sur Fun. Vous partez faire la fête avec DJ Snake à Las Vegas. C'est le double fun sur Fun Radio. T'as entendu quoi sur Fun Radio, Loïc? Je t'écoute. Eh ben le double fun de DJ Snake avec Let Me Love You pour la première et Talk pour la deuxième. Loïc, tu pars à Las Vegas. Bien joué. Merci Fun Radio. Merci. Eh, c'est beau ça. C'est le double fun sur Fun Radio. 32,28, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. We are Fun. Fun Radio présente Joachim Garou. Vendredi 14 octobre, Osso Club à Rouen. Salut les Space Invaders, c'est Joachim Garou. Venez faire la fête sur le meilleur du son dance floor. Mixé par le DJ Fun Radio, Joachim Garou. Attention. Retransmission en direct à partir de 2h du matin. They wanna be free. Joachim Garou en DJ set exclusif au Sau Club à Rouen. C'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Plus d'infos sur funradio.fr. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais nos grandes cas de mandat. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regarde. l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des cheerleaders. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je donne Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises un peu, si tu me parles un peu, si tu me touches un peu. C'est pas Marion Yanso. Oh, comment vous les décrire sans passer pour un pervers? Marion est brune. Salut, c'est Marion. Et Yanso est blonde. Salut, c'est Yanso. Et vers 23h30, ben, elle parle de cul, voilà. Oui, effectivement, nous parlons cul après 23h30. Et comme il est 23h51, ça tombe bien. Et on va parler plus précisément libertinage. Oh. Ouais. On a reçu un mail qui nous a fait halluciner, ça nous a fait beaucoup rire. Et en même temps, je pense que ça a dû être assez dur à vivre pour elle. Elle est en ligne. Margot de Toulon, bonsoir. Bonsoir les filles, bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Ça va toi? Oui, plus ou moins. Non, mais ça va. Et c'est pas si grave non plus, ma belle. Il y a bien plus grave dans la vie. Hein. Non, c'est sûr, mais c'est vexant. Alors raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte depuis le début. Toi, t'es avec ton chéri déjà. C'est ça. Ok. Donc tout se passe très bien et on avait un fantasme en commun, c'était de faire un plan à trois. D'accord. Donc on est parti dans un club changiste. J'avais mis sur ses conseils une robe assez moulante, assez sexy. Enfin, pour l'occasion, c'était idéal. On s'est plus ou moins chauffé sur la piste de danse en mode sexy. Enfin, je dansais sur la barre, il était près de moi, on était assez collés. Et c'est tout ce qu'on a fait de la soirée parce que personne nous a approchés. Voilà, en gros, vous avez pris des râteaux dans le club. C'est-à-dire qu'elle a tout donné. Elle a dansé, elle s'est habillée sexy. Ils ont essayé de faire du eye contact avec les gens, tout ça. Et personne n'est venu nous voir pour vous proposer un petit plan, quoi. C'est ça. Mais est-ce que vous êtes... parce que... Je pense que dans des endroits comme ça, c'est peut-être aussi à vous de faire le pas, non? On regardait, enfin moi je regardais des mecs assez... je les regardais avec le regard qu'il faut, quoi. Après, je suis pas du genre à aller les chercher par la main et puis... Mais bon, je leur faisais comprendre que... Il y avait des jeux de regard, des mouvements qui ne pouvaient pas tromper, mais... Mais est-ce que vous n'avez pas essayé, Margot, d'aller avec ton mec dans une pièce? Parce que j'imagine que c'est comme ça. Moi, je n'y suis jamais allée, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois que tu as des pièces... Du coup, j'ai jamais pu aller dans la pièce, du coup. Ah, ouais. Alors moi voilà. Je vais te dire, j'y suis allée une fois en province à Nantes par curiosité totale parce qu'une copine voulait absolument m'emmener là-bas. Donc évidemment j'ai rien fait parce que c'est pas du tout mon délire, mais j'y suis quand même allée. Je voulais voir ce que c'était. J'ai été prendre un verre là-bas et je vais être honnête avec toi. Hein. c'est effectivement assez facile normalement de se faire aborder. Je voyais tous les gens qui se mélangeaient, mais de manière très simple. Ouais. C'est-à-dire que limite, ils se disaient à peine bonjour et ils buvaient un verre et puis ils allaient dans des pièces ou voilà, ils commençaient à se chauffer et tout. Donc je comprends pas ce qui a bloqué chez vous parce que vous êtes tout jeune, vous étiez bien habillé. Je vois pas en fait ce qui a pu se passer. Peut-être que vous étiez trop fermé, je pense. Bah ouais, puis peut-être que ça se voyait sur vous, que vous aviez peut-être un peu peur en fait. Ouais, Margot. Peut-être que vous étiez pas expérimenté tout ça. Ouais. Peut-être. Faut peut-être y aller avec... je sais pas. Faut peut-être y aller avec une troisième personne avec qui vous pourriez faire des choses pour le coup qui vous. Ouais, mais eux, ils cherchent justement une personne pour faire ce plan à trois. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas. C'est pour ça qu'ils sont allés là-bas. Ah ouais, mais après, Margot, t'es peut-être tombée aussi un soir où il y avait que des couples et pas forcément des gens seuls pour vous initier, hein, tu vois. Peut-être, ouais. C'est possible. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux gens là, si vous avez l'habitude de ces clubs, 01 42 48 5000, appelez-nous peut-être pour donner des conseils. Comment ça se passe? Est-ce que c'est au couple d'aller aborder les personnes seules? Est-ce que c'est aux personnes seules de venir? Est-ce qu'il n'y a pas de code? Est-ce qu'il faut aller dans un endroit précis? Est-ce qu'il faut, je sais pas moi, se mordre les lèvres? Dites-nous, parce que nous, on n'est pas du tout habitués, c'est vrai. Dans l'équipe, qui a déjà fréquenté un club libertin? Levez la main. Attends, excusez-moi, Yannick le pervers au standard. Non, pas du tout, quand même. Ah ouais, je l'ai fait. Non, et... alors. Attendez, parce qu'en fait, Yannick nous a appris dans une autre émission qu'il avait la phobie de ne pas avoir le même âge que la fille avec qui il couchait. Ouais. Donc forcément, quand tu vas dans un club libertin, tu peux pas tout voir. Ouais, c'est donc, à mon avis, c'est la phobie. Est-ce qu'un club de danse, c'est... C'est pas pareil. Danse, bah, c'est ça danse. Dépend, ça dépend si les gens dansent tout nus et les uns sur les autres. Est-ce qu'un lycée, c'est pareil? Ça n'a rien à voir, Bichon. Ouais. Voilà. Bah donc. Bah non, la danse, elles font que danser, c'est leur métier. Tu vois, là, on parle de gens qui se font plaisir entre eux. Enzo non plus, pas de club libertin. Non, jamais, ça me chauffe pas trop ces délires-là. Et d'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que c'est gratuit ou c'est payant l'entrée? C'est payant la plupart. Alors, non, en général, il y a des forfaits. Par exemple, pour les femmes seules, c'est gratuit. Pour les couples, oui, tu vois, c'est pour les hommes seuls, c'est payant. Enfin, ça dépend des boîtes. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, je m'y connais un petit peu. je fais de la radio depuis longtemps et j'ai déjà eu des libertins au téléphone. Moi, j'ai fait le Qu'en as-tu? Ouais, mais c'est pas pareil non plus, c'est pas parce que t'es naturiste que t'es libertin. Ah, j'ai fait le camp naturiste, mais le soir, attention, le soir, oh là là. Ah, ça dépend où. Oh, bah, au Cap d'Agde. Ah oui, là, effectivement, ça peut être chaud. Et les petites, il y avait des pubs en fait, il y a plein de pubs les uns à côté des autres. Mm. Et il y avait genre des femmes de 65 ans, 70 ans sur le pole dance. Ah oui, il va au camp naturiste, quoi. Ouais, mais j'y allais pour la vanne avec des potes. Hein. Et t'as des serveurs, genre les couilles à l'air qui te servent des coca et tout. Bah oui, bah, c'est le but, hein, du naturisme. Ouais, et moi, on m'avait proposé, c'était un couple d'Italiens, et qui a été belle la femme. Et vu que j'étais avec une pote, on faisait genre, on était ensemble, et ils nous avaient proposé d'échanger nos meufs. Par contre, je sais pas en fait si le mec me voulait moi et la meuf voulait la fille. Ah oui, c'est pas. Ouais, je sais pas. Clair. Mais moi, je voulais quand même y aller, pour la meuf, bien sûr. Mais l'autre, ma pote n'a pas accepté quoi. Mais grande gueule, je suis sûre t'y serais jamais allé. Jamais de la vie, une meuf que tu connais pas comme ça dans un camp naturiste. Ouais, c'est pas toi. Non, dans un camp naturiste. Ça te ressemble pas. Ouais, dans un camp naturiste. C'est dans un camp naturiste, c'était vraiment sympa. Bon, Margot, en tout cas, tu vois que nous, on n'est pas très expérimentés. Enfin, à part Mario. Oh non. Mais il y a quand même de la réaction pour toi. Il y a Vincent de Perpignan. Alors, Vincent de Perpignan, est-ce que toi, tu es adepte des clubs libertins? Il y en a plein là-bas en plus. Allô, salut tout le monde. Bah, bienvenue à toi. Ça va et toi? Mais écoute, nickel. Alors moi, avec mon ex, on est allé à plusieurs reprises dans les clubs libertins. Alors faut savoir une chose, il faut pas aller là-bas si Margot avait juste envie de faire l'amour avec d'autres personnes. Ça se fait pas comme ça. C'est pas, on va dans un club libertin et après. Ben on couche le soir même, quoi. Bah quand même, il y en a plein qui le font, je suis désolée. Oui. Mais ça, c'est souvent des pervers. C'est souvent des pervers. Non. Vincent, je t'arrête parce que moi, j'ai une de mes amies qui aimait beaucoup ça à l'époque, qui a complètement arrêté maintenant. Mais la première fois qu'elle y est allée, elle a trouvé chaussure à son pied, comme on dit. Et elle a... Ça dépend des clubs, de toute façon, ça dépend des clubs. Tout de suite avec les mecs. Hein. Oui, et il a pas tort sur ce plan. Seule ou pas? Bah oui, c'est ça. Et il a pas tort, je pense. Exactement. Il y a des clubs qui ont d'autres politiques. Ouais. Parce que nous, avec mon ex, on a commencé à y aller. On s'était dit, nous c'était pareil, nous c'était un fantasme. On voulait faire un plan à trois. Et fin de compte, on a commencé pareil à danser, à discuter avec les gens. Le soir même, rien ne s'était passé. On s'est dit, hop, on va y retourner 2-3 jours après. On y est retourné. Bien sûr, on avait expliqué la personne, on a sympathisé avec le serveur. Le serveur nous avait donné des entrées pour pouvoir revenir 2-3 jours après. Et petit à petit, les gens, les habitués, venaient nous parler. Oui, si je peux me permettre, Vincent, au moins les gens sont venus te parler, t'as discuté dès le premier soir, tout ça, t'as eu du contact et de l'échange. Eux, dans le cas de Margot, personne n'est venu les voir. Ouais. Personne. Tu comprends? C'est-à-dire que, mais Margot, vous êtes sûre de pas être venu avec la cape d'invisibilité d'Harry Potter? Parce que globalement, on croit que les gens ne vous ont même pas vu, quoi, c'est ça? Bah non, après, il y en a qui étaient bon au bar, il y en a qui étaient occupés à s'exciter sur les banquettes. Ouais. Mais franchement, on a l'impression d'avoir la cape d'invisibilité. Bon, du coup, Vincent, toi, le conseil pour Margot, c'est d'y retourner et de pas hésiter à y retourner, ne pas s'inquiéter s'ils ont eu personne. Exactement, parce que bon, nous on y est allé 2-3 fois et au bout de la 3e fois, là, on a pu conclure avec les gens, quoi. D'accord. Donc il faut persister, Vincent. C'est ça que tu nous dis. Exactement. Ok. Et ben on continue, Margot. Allez. On lâche pas l'affaire, on y retourne, Margot. Vincent, merci de nous avoir appelé, Bichon. À très bientôt, bisous. Bisous, on t'embrasse. Cela dit, Margot, il y a plus simple. Je crois qu'il y a des sites maintenant pour trouver une troisième personne. Il y a des sites exprès pour se procurer un plan à trois. Il y a même des applis. Il y a des applis. Donc peut-être que si vous avez peur de vivre un nouvel échec, vous pouvez télécharger une appli et trouver quelqu'un dans votre région qui serait ok, tu vois, faire connaissance autour d'un verre en dehors du club, tout ça. C'est une solution. Ouais. Je pense que du coup, ce serait peut-être le mieux. Je ne savais pas que ça existait, mais je pense que ce serait peut-être mieux. Ah bah oui. Mais Margot, toi, ce qui t'excite, c'est de faire l'amour avec ton mec avec un inconnu dans un club ou tu t'en fiches de l'endroit? Non, j'avais pas vraiment réfléchi à l'endroit, en fait. C'était juste... Une troisième personne. Ok. Ouais, je voulais un peu plus d'attention. Bon, et écoute, il y a deux solutions. Soit tu télécharges une appli, tu vas sur un site, soit tu retentes le club, mais tu vas y arriver, vous allez trouver, vous êtes frais, vous êtes beau, vous êtes jeune, il n'y a aucune raison. Et surtout, tu nous tiens au courant, d'accord? Elle est partie déjà? Elle est là. Ah d'accord, on t'embrasse. Je vous embrasse aussi, merci. Bisous, ma Margot. Bisous. J'ai envie de demander à Pépère si lui, il a déjà fréquenté un club libertin ou pas. Bah Pépère, il fréquente pas les clubs échangistes, il a pas besoin de ça, dis donc. Hein. Ah bah pour une fois, je suis fière de toi, Pépère, c'est bien. Bah oui, parce qu'il change tout le temps de partenaire. Tous les soirs, par exemple, lundi c'est mes mères, mardi c'est papy, mercredi c'est le jour des enfants. Non, non. Bah du coup, il a un emploi du temps très chargé. Pépère, je veux plus les enfants, ça me met mal à l'aise, je suis pas bien. Mais okay. Par contre, papy, ça te pose pas de problème. Papy, ça passe. Papy, hashtag Pépère sur les réseaux. T'es con. Bon, les amis, il est minuit une, on va vous laisser, c'était le dernier jour de la semaine. Oh non, on est triste. Oui, mais on va rester en contact là sur les réseaux sociaux, on va vous mettre de la vidéo tout le week-end, vous inquiétez pas, la chaîne YouTube c'est Marion et Anso, et on sera en direct dimanche soir, et la semaine prochaine, gros programme niveau invité encore. Ouais, ça va être canon. J'ai envie de maintenir le suspense, mais je vous dis un petit indice, il y a du Kevin. Ouais, il y a du Kevin. Je sens le Kevin, tu vois, le Kevin, et je sens le col en V. Ouais. Tu vois, indice de ouf. Hein. Bah ton avis mec. Kevin. Ah, tu veux un indice ou pas? Ouais. Un indice sonore? Ouais, je veux un indice sonore. Lequel je vais choisir? Celui-là, par exemple. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit. On a tout dit, hein. Kinvé sera notre invité. Vas-y. Mardi. Ah, parce qu'attends, on reçoit pas un col en V. On va vous tourner une vidéo dimanche aussi. Énorme surprise pour vous. Et puis là, on vous laisse avec DJ Mag sur Party Fun, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Deep End qui mixe dans Party Fun avec Adrien cool, Thomas jusqu'à 1h du mat. Mais c'est beau, est-ce qu'on finirait pas en chanson? Oh, je t'en prie, Babber! Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là! Oh, derrière ma meuf. This is the beginning. Minuit. Les plus grands DJ de la planète mixent sur Fun Radio. Oliver Eldon. Hey, this is Chucky. Hardwell. Oumet Oskan. Sébastien Bennett. Hi, this is Laidback Luke. Nicky Romero. Sultan El Net Shepard. Nervo. Don Diablo. Gregory Klossman. Hey, it's Riep. 3, 2, 1, 0. Et ce soir, c'est Party Fun spécial DJ Mag avec le mix de Deep End. Merci Marion Enzo, les filles. Ben on vous retrouve dimanche soir à 22h sur Fun Radio. C'est Adrien Thomas, je passe une heure avec vous au micro. Seulement ce soir, j'ai laissé mes platines comme une fois par mois à un DJ sélectionné par la rédaction de DJ Mag France. Et ce soir, c'est Deep End qui prend les platines pendant une heure en total exclu sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Hey, we are Deep End and you're listening to a special guest mix for DJ Mag France. We'll be right back. Partifun DJ Mag by Deepend sur Fun Radio. Sur Fun Radio. Oh,

searching around. I can't do this anymore. So give me your love. I need it. Give me your all. I'm bleeding. Give me your love. I need it. Oh yeah. Why don't you give me your love? Fun. Party fun. I wonder when our hearts were beat as one. We used to have.